Mercredi 10 juillet 2013, bienvenue au 20e. 20e. Ah, ça fait 20! Ça fait 20. Nice. 40 semaines. Papa. Geek collectif. Encore, c'est bon, ça. Non, écoute, on s'est pas fait canceller. tout va bien, on est encore en onde. Mesdames et messieurs, bienvenue donc au 20e épisode du Geek Collectif. Mon nom est André Paquette, comme à chaque semaine. Ça change pas souvent, hein? Non. Semaine prochaine, Gérard Laplante, plombier. Faut-tu spécifier qu'on est dehors? On est dehors, c'est donc... Premier recording extérieur. Exactement, sur et une jolie terrasse. C'est pas le toit d'Ubisoft, mais c'est mieux qu'à rien. Effectivement. C'est le toit de Ducati Moto. Ducati Moto. Merci à Ducati Moto de nous accueillir. Non officieusement, bien sûr. Poursuivez-nous pas, s'il vous plaît. Donc, on a décidé de profiter de la petite draft fraîche pour pouvoir faire notre 20e. On a le plaisir d'avoir avec nous ce soir un ami de longue date quand même, Mike. Ça fait quoi? 7-8 ans. 7-8 ans facile. Moi, je le connais pas. Le charmant Mike Garceau. Bonsoir. Merci, bonjour, merci, bonjour. Merci, messieurs. Ravi de te connaître. C'est extrêmement partagé. C'est votre geek collectif est vraiment le fun, à part peut-être 2-3 petites speed bumps de trop de hate que j'ai vu passer plus récemment sur du Xbox qu'on ne nommera pas. Ouais, mais ça, c'est à chaque changement de cycle de console, là, tout l'Internet devient de même. C'est vraiment quelque chose de spécial que vous avez. C'est le fun de partager, c'est le fun de lire, c'est le fun d'être tous ensemble. Alors, c'est pour moi un honneur d'être avec vous. Merci beaucoup de l'invitation, André. Ben, l'honneur est pour nous. Puis Mike, t'es venu te joindre avec nous ce soir... premièrement, parce que tu es un gars qui a quelque chose à dire dans la vie, quand même intéressant quand tu parles. Puis deuxièmement, ben écoute, tu es quand même assez pertinent au sujet de ce soir. On va aborder un peu plus tard ce soir le Festival Fantasia pour les gens qui connaissent pas ça. Essayer de faire découvrir un peu c'est quoi, ça mange quoi en hiver, c'est-tu vraiment relié à l'asiatique, y a-tu d'autres choses là-dedans? Puis présentement, tu es quand même assez impliqué avec le festival, toi. J'ai été à Fantasia pour la première fois à leur deuxième édition en 1997. J'ai vu un seul film cette année-là. C'était The Killer de John Woo, que je n'avais jamais vu. Je l'ai découvert. Très bon film. C'était en fait la première fois que je mettais les pieds dans le cinéma impérial. Okay. Ça m'avait fait capoter. Et au courant des années, j'ai vu peut-être un film par-ci, un film par-là seulement à Fantasia. Et c'est vraiment en 2003, quand ils ont déménagé avec Concordia, que je suis devenu un festivalier assidu. Et avec l'ancien travail que j'avais, je m'occupais du partenariat entre la compagnie pour laquelle je représentais et le festival. Fait que je suis devenu un ami du festival. Et cette année, en étant aux études et cet été en n'étant pas aux études, donc en deux sessions, j'en profite. Cette année, je suis un espèce de collaborateur avec le festival, si on peut dire. J'ai écrit un texte dans le guide. J'ai aidé la très charmante Stéphanie Trépanier pour le marché du film. On en parlera un petit peu plus tard. Je suis un peu un bénévole. Bref, je suis un ami. Fantasia, c'est un 3 semaines pendant l'année où ça nous permet de découvrir du cinéma différent. On va pouvoir en reparler en long et en large, mais oui, je connais bien le festival. Et je suis très persuadé qu'il y a beaucoup de monde qui le connaissent. Et ceux qui vont nous écouter à ce soir qui ne le connaissent pas, vous allez avoir envie d'aller au cinéma impérial, de profiter de l'air climatisé et du quartier des spectacles en ressortant avec tous les bars alentour, parce que c'est vraiment un incontournable de Montréal. C'est juillet, c'est fantastique. Aller au cinéma normal. Vraiment. C'est pas pareil. On parlera de l'ambiance. Ouais. Toi. Merci, Mike. Donc, effectivement. Puis, Mike, justement, pour donner un petit background aussi, donc tu travailles avec le festival, tu collabores avec eux. Mais tu es quelqu'un qui fait longtemps quand même qui œuvre dans l'industrie du divertissement quand même. Je te dirais, depuis... Bien, évidemment, j'ai grandi avec des Nintendo 8-bit et aller louer des films et tout. Mais j'ai commencé à travailler dans le commerce de détail divertissement en 1998, effectivement. Fait qu'un 15 ans à peu près, avec une petite pause en ce moment, sauf qu'on continue de s'impliquer, on garde des bons contacts. Tout le monde aime ce genre de divertissement-là. Ça a le mérite d'en parler. Jeux, CD, films, c'est... On entretient la passion. Tout à fait, tout à fait. Excellent. Bien, merci d'être avec nous autres ce soir au collectif, Mike. Encore une fois, merci, les gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on débute chaque épisode en parlant un petit peu d'actualité, des sujets qui nous ont marqués, des choses qui nous touchent cette semaine. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous pour ouvrir le bal un peu? Ou... Bien, effectivement. Moi, il y a quelque chose que j'ai appris hier, qui s'en vient dans notre très beau Canada et Québec. Depuis maintenant, je vous dirais peut-être plus qu'un an, un an et demi aux États-Unis, Magnolia Releasing, Magnet Releasing, entre autres, sont les deux studios qui le font le plus, offrent des nouveautés à peu près 4-5 semaines en vidéo sur demande avant que le film soit disponible en salle. Le meilleur exemple étant VHS 2, qui va être présenté à Fantasia en plus cet été. Aux États-Unis, il est disponible dans votre salon depuis le mois de juin, alors qu'il sort au cinéma dans deux jours. Fait que, attends, autrement dit, moi, je peux louer ça sur vidéo sur demande avant même de me déplacer en salle de cinéma. Là. Tu as tout compris. Wow! Pour le moment, ce n'était qu'aux États-Unis. OK. Le 19 juillet prochain, vendredi le 19 juillet, le film Only God Forgives du réalisateur Nicholas Refn, je pense que je prononce bien son nom. Refn? Celui qui a fait Drive, la trilogie Pusher. Un excellent cinéaste avec un style coloré sort Only God Forgives. Le film sera présenté en exclusivité au cinéma du parc et je vous annonce qu'il sera disponible sur toutes les plateformes de vidéos sur demande. Vidéo 3, Bell, Cogeco, Chat, nommez-les tous. Alors, Xbox, Netflix. Netflix, non. Xbox et PlayStation Network, ça serait à vérifier, font, mais là. Ça se peut aussi. Parce que je sais que j'ai vu Evil Dead, il était disponible, là on parle pas avant cinéma, mais avant DVD. Là. OK. Ça, je sais qu'il était sur l'Xbox. Bon, vidéo on demande. Ouais, tu peux l'appartenir avant que ça sorte au... Moi, je suis curieux. Mettons autour de la table, vite de même, tu sais, un film comme ça, mais... T'sais, peut-être que le monde n'a pas d'intérêt à aller voir ça. Ça me surprendrait parce que ça a l'air quand même vraiment intéressant. On est God Forgives? On est God Forgives, ça va être malade. Mais honnêtement, est-ce que c'est le genre d'initiative qui vous empêcherait d'aller au cinéma pour le voir, vous? Non. Toi, Eric, tu iras au cinéma quand même? Oui. Oui? Pourquoi tu vas aller au ciné? L'expérience. Puis je vais embarquer là-dessus un peu plus tard. Oh! Excellent. Milton? Moi, je pense que ça va filtrer le monde dans le sens qu'il y a du monde qui va au cinéma juste pour voir un film. Puis ça va peut-être amener à certains films, justement, l'ambiance que... comme je voulais parler de Fantasia un peu, des fois qui est plus, je veux pas dire party, mais du monde vraiment dedans pour aller le voir. Okay. Fait que le monde qui vont vraiment aller au cinéma voir le film, ils vont peut-être déjà l'avoir vu, déjà peut-être trois fois même sur Vidéo On Demand, puis ils vont dire ça, c'est le genre de film, je veux voir sur un gros écran, puis je vais aller au cinéma. Pensez-vous que... En fait, Nick, je vais avoir ton input avant. Ben moi, je vais pas au cinéma... énormément. Okay. Que, oui, moi, je serais porté à peut-être l'écouter dans le confort de mon salon. OK. Je serais bien content peut-être de le voir. En fumant le top, parce que justement, ben, au ciné, tu peux pas... Je fume pas. Non, excellent. Toi, Mike, c'est-tu quelque chose que tu irais pas voir au cinéma quand même? Honnêtement, je suis extrêmement partagé. Moi, je suis quelqu'un qui adore le cinéma. Je l'ai toujours aimé et je vais toujours l'aimer. C'est la façon la meilleure de voir un film. Même tu peux mettre une télé en 8D, en 9D, en 2080 HPID, là, n'importe quoi. Oh, okay, là, le principe d'être dans une salle de cinéma avec des inconnus, avec les lumières tamisées, puis que tout le monde expérience en même temps les publicités, les trailers. Un peu moins, okay, tout ça, moi, ça me touche énormément à cœur. Cela étant dit, le film est disponible dans ton salon. Tu finis de travailler, t'as été chercher ton enfant en garderie, t'as fait ton repas, t'as fait ta vaisselle. Des fois, ça te tente pas de sortir. T'as pas nécessairement envie de sortir. Tu vois comme... Il est là. Disponible là. Un peu, il y a des films que tu veux voir, mais il y en a que tu veux aller voir. Tu sais, il y a des films... C'est quand ça, moi, non, mais je pense que c'est ça la vraie affaire. Il y en a que ça me dérange pas de juste regarder de même parce que je vais le pogner dans mon salon. Il y a des films qui sont plus comme justement l'expérience cinéma qui est plus intéressante de voir au cinéma. Puis il y a d'autres films que je me dis... Allons-y avec... Il y a des films qui c'est plus des films de salon. Tout moi, personnellement, fait. Je trouve. Ton film. Tout à fait. Moi, juste comme... Puis je fais un parallèle étrange avec les jeux copiés, par exemple. Mais, par exemple, y a-tu des études qui démontrent combien de gens continueraient d'y aller puis combien de gens iraient pas à cause que c'est disponible avant ou pas au cinéma? C'est-tu quantifiable, en fait? Là? Moi, je pense qu'en ce moment, ça ne l'est pas encore parce que ceux qui le font, premièrement, c'est seulement aux États-Unis. Là, on rentre au Canada, mais ceux qui le font sont des excellents studios, mais sont des studios qui release, qui nous donnent des films un peu plus... d'auteur, un peu plus personnel. Quand ça va arriver que Paramount ou Disney ou whatever vont nous donner Avengers 2, ça vient, là. Quand ils vont nous donner Avengers 2 la même journée qu'au cinéma chez vous, que vous vous prenez 6 amis puis que vous payez 19,95, tu t'achètes un popcorn à 2,99 chez vous aussi. Non, mais ça se fait déjà, ça. En ce moment, tu peux le faire, là. Tu peux commander des films avant, mais ça te coûte genre comme 400-500 piastres. Wow. Il me semble qu'il y a un marché comme mais ça. Mais tu vois aussi le côté, pour le studio, ils vendent quand même leurs films au cinéma. Non, mais eux autres, leur but, c'est juste de vendre. Aussi, fait qu'eux autres, c'est deux revenus, ils s'en foutent. Là. Ça dépend si c'est un côté, OK, pour la business plus rev share. Là. Mais pensez-vous pas. Pas de trouble, André. Anyways, on s'enfarge un peu, c'est correct, c'est du live. Hein? Mais moi, de la manière que je vois ça, est-ce qu'on pense que c'est une manière de contrer le piratage aussi? Parce que les films au cinéma, c'est quand même piraté. Si tu le donnes, tu vidéo en demande le premier jour, là. Tu facilites le piratage parce qu'il y a quelqu'un qui va le pogner, qui va le pirater le premier jour. Ouais, mais d'un autre côté, il est disponible en streaming. Il est 9-10$. Ouais, mais il est 9-10$ légalement. Chez vous, dans ton confort de ton salon. Il y a quand même du monde qui le veulent gratis. Mais il y en a du monde qui vont le pirater pareil. Mais si tu es capable d'aller chercher le 30-40% du monde qui le piratait, puis qu'il l'achète parce que c'est rendu moins une trouble, tu le payes one shot, merci, bonsoir. C'est peut-être un t'es sûr de la qualité faire, aussi. Des fois, tu vas télécharger un film, tu sais pas, ça peut être vraiment comme un télésync. Là, ouais, que ça tu, prend deux minutes à télécharger une autre version aussi. Ouais. Juste ouais, le monde, qui télécharge, ils savent. Ah, ils sont capables de trouver. Des fois, c'est long, donc tu as une belle version pareille. Moi, je pense que la question vraiment à poser, c'est que tous les jeunes, encore plus jeunes que nous, vont embarquer là-dedans. Ça va être ceux qui sont un peu plus vieux que nous. Est-ce qu'ils vont vraiment embarquer là? Mais allons, ce que tu viens d'en aller avec ça, ça a-tu rapport aussi avec le marché des locations? Bien, ça, la location, ça l'a malheureusement énormément changé dans les 6-7 dernières années. Là. Si on parle du produit physique DVD, ça l'a énormément changé, malheureusement, là, pour tous les clubs vidéo. Là. Qu'on pense au club vidéo 7e qui est dans Hochelaga, qui est fermé. C'est un brise-cœur. Qu'un vidéo comme ça, avec des gens aussi passionnés, ne soit plus disponible. Mais tu as d'autres, en revanche aussi, tu te ramasses avec des cafés Atomica, tu nous as parlé? Non, mais c'est le 7e. Ah, c'est ça a fermé, le café Atomica est encore fermé début juin. Mais le 7e, il est fermé. Mais il loue, me semble, encore au café Atomica. Non, le 7e, le café Atomica, c'était le café, puis le 7e, c'est la place de location. Ah, crap! Si je ne me trompe pas, les films du 7e se sont fait ramasser pour l'archive du Québec. Ah, ça, c'est cool. Ouais, ça. Merci à M. Duceppe pour ça. C'est son initiative. C'est lui qui a parlé. C'est son quartier, là. Tout à fait. C'est vraiment cool. Il y a eu un mécène aussi qui n'a pas voulu se nommer. Personne qui a acheté, si on veut, toute la banque, là, mais au moins, tous ces films-là se retrouvent. Une couple de jours après l'annonce de ça, il y avait comme une annonce Facebook, là, une grosse vente. Exact. À un moment donné, on fait comme, OK, c'est cancellé parce que moi, j'étais prêt à y aller, mais en même temps, j'étais très content aussi pour eux. Ah, c'est sûr que le monde serait prêt à y aller. Des critérions à 5-6 $ qu'on se serait trouvé. Sauf qu'en même temps, tu sais, quand je me mets dans la peau de tous ces gens-là, je fais comme... Ouais, mais en étant de même, ça risque de juste être reproduit par après un moment donné, puis ça va être bien conservé. Effectivement. Mais bon, comme je disais au début, c'est une première étape. C'est un premier film. C'est la nouvelle. Les studios... Merci, Mike. Les studios font toujours des tests, OK? Ils en font toujours un. Ils ont pris un film d'auteur et non un film grand public. Ça ferait jamais le box-office d'un World War mauvais, etc. Mais c'est... En fait, c'est un smart move qu'ils ont fait ce test-là, par contre. Hein? Tout à fait. Parce que Drive, c'est un film, on se le cachera pas, c'est un sleeper hit, ça. Sensationnel. Fait que, genre, ils l'ont fait avec un sleeper hit. Probablement. En fait, c'est un test qu'ils font, là. Ils veulent voir si le pouvoir d'achat du sleeper est en fait le pouvoir d'achat de maison. You nailed it. Absolument. Ouais. Drive ont probablement fait plus de cash en vendant des bandes sonores et des posters du film qu'avec le film en tant que tel. C'est fou partout. Le film était sorti, il y avait des soundtracks partout puis des posters. Puis... Non, mais ils ont fait... C'est excellent, ce film-là. C'est une vraie question, ça. Là. Ouais. C'est que aller voir Drive, quand tu allais le voir dans des petits cinémas privés, c'est ça, puis j'adore les blockbusters puis tout ça, puis je vais toujours aller pour des blockbusters, mais ça, c'est la direction qu'on s'en va dans le cinéma là, pour l'expérience, ton expérience de concert un peu, d'aller voir un film. Mais aussi, le côté ben vite pour les films de même, c'est surtout des petits films justement qui vont faire ça, puis c'est des films qu'au cinéma, ils auraient toffé deux semaines de toute façon. Effectivement. Fait que là, il y a la petite cote de vente du cinéma qui achète le film, parce qu'il y a les deux versions, soit qu'ils splittent les profits avec le film ou qu'on t'achète ta bande pour un certain montant, puis on fait tout le reste du cash. S'il est rentable, tant mieux. Mais... Une autre question aussi qu'on pourrait se poser comme Avengers, en concluant, c'est est-ce que c'était inévitable? Oui. Je pense que oui. Et écoutez, on va avoir la chance d'en reparler dans les prochaines années, mais ça nous atteint maintenant, ça ne fait que commencer. Alors, à suivre. Merci Mike, super pertinent. Merci à vous. Puis vraiment intéressant comme sujet. Rick? Moi, c'est pas compliqué, là. C'est Rest in Peace Ryan Davis. Là. C'est qui lui pour, ouais, pour Ryan Davis? Moi, Maître Frank, toi, je sais qui à cause de toi, mais j'écoute pas ça. Ok, je vais faire un aveu. J'aime les jeux vidéo. Surprise! Puis tu sais, je suis pas le plus grand savant. Puis là, c'est vraiment cool. On a des cours universitaires maintenant, c'est jeux vidéo, tout ça. Mais j'ai vécu dans la période où les jeux vidéo, c'était un side. Là. Puis GameSpot, c'était quand l'Internet commençait. Je vais toujours me rappeler, GameSpot avait le www.videogames.com. Ouais. Quand t'allais à videogames.com, quand l'Internet commençait, il y avait web crawler, même si on était chanceux, mais il n'y avait pas de search engine, il n'y avait pas de Google. On parle de 96-97. Je m'en rappelle, dans un EGM, j'ai vu videogames.com. J'étais allé, c'était GameSpot. J'ai été accro de GameSpot depuis. J'ai un compte sur GameSpot là, qui date de 10 ans. Mais en tout cas, tout ça pour dire Ryan Game Davis. GameFAQs, c'est la même. Ça appartient à GameSpot. Ouais, GameFAQs a été acheté. Je ne vais pas m'embarquer dans non, tout non, ça. Non, mais je connais tout le drama. Je ne sais pas, moi. Ryan Davis. Hein? Ryan Davis, merci André. C'est parce que moi, je vais sur GameFAQs. Je voulais le savoir. André est toujours là pour nous remettre ça. OK, fait que Ryan Davis, lui, ça n'était un des. Je veux dire, il y a Jeff Gerstmann, que si tu connais les jeux vidéo un peu, c'est le Mister, dans pas longtemps, une couple d'années, est devenu populaire à cause de son fameux disparition de GameSpot. Après, lui, t'es un des originateurs de GameSpot. Monsieur Honnêteté. Dans l'équipe originale. Ouais. Mais lui, il était devenu ami justement avec Ryan Davis, puis ensemble, se sont rencontrés, puis ils ont devenu des chums. L'histoire, si je m'en rappelle bien, puis ils en parlaient beaucoup sur leur podcast, dernièrement, qu'il vaut la peine d'écouter, le dernier podcast de Giant Bomb, là, ça compte de tout. Mais c'est Giant Bomb. Okay. Oh, ouais, il y a plein de ses amis qui ont venu ensemble pour en parler, puis j'ai trouvé ça bien hot. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que Jeff Gerstmann était ami avec lui à cause qu'il faisait du hip-hop, du white hip-hop de Los Angeles des années 90. Okay, ouais. Tu peux imaginer. Je suis sûr que ça, c'est toute une histoire en lui-même. Là, tu viens d'attirer Melter avec du ouais, white mais, hip-hop mais, de mais, des années 90. Excuse Melter, mais c'est très hot. Mais en tout cas, ils ont devenu des amis. Ryan Davis, par rapport à l'histoire, c'est qu'il se tenait au bureau de GameSpot parce qu'il y avait des video game machines. Ouais. Fait que lui, son ami, c'était Jeff. Les arcades. Après leur job, là, les autres, ils travaillaient pour AT&T là, à vendre des cellulaires ou je ne suis pas trop sûr quoi. Puis ils allaient là à l'entour de 5h, 5h30 pour aller rencontrer Jeff. Puis il y a plein de video games. Fait qu'ils ont joué tellement de video games qu'éventuellement, ils commençaient à arriver à 3h30, 4h, plus de bonheur. Puis il se tenait tellement là qu'il s'est fait engager. Le gars, c'était un gars de retail. Pareil comme Jeff, ça, c'est des gens qui n'ont même pas étudié pour ça. Là. C'est des gars qui ont tombé là-dedans. Puis qu'il était là vraiment au début. Puis Ryan Davis fait partie de l'équipe de GameSpot, pour raccourcir ça un peu. Il est allé ensuite fonder Giant Bomb avec les gars de Whiskey Media, Jeff Gerstmann, qui est maintenant le Wikipédia de jeux vidéo. Si vous aimez les jeux vidéo, allez voir Giant Bomb, qui a récemment été acheté par CBS et tout ça, mais... C'est un peu ironique en plus, considérant que CBS a racheté GameStop. En fait, ils sont dans les mêmes bureaux que GameSpot en ce moment. Comme je te dis, on pourrait faire tout un show là-dessus, mais là, c'est pour Remembering Ryan Davis. Ryan Davis, qui est un peu des good guys de jeux vidéo. Il était un très good guy, là. Il était un rassembleur. Il était un des gars responsables pour faire... Comme je te dis, dans les derniers 2-3 ans, les podcasts... Good guy dans quel genre? Il aimait super tout positif. Ou... Ouais, imaginez comme un moi en anglais, mais beaucoup plus witty. Le gars, là, il pouvait trouver le meilleur dans tout le temps. Quand quelque chose c'est était ça, stupide, fait qu'il aimait tout, genre. C'est ça, comme tu vois quelque chose que les gens habituellement détestent tout, mais lui c'était le genre de gars de dire non, mais regarde, oui, tout le monde le déteste, mais c'est bon à cause de ça, puis il y a des gens qui aiment ça, deal with it. Un des rires les plus contagieux de l'industrie en plus. Ce gars-là, t'écoutes le Bombcast, puis quand il se met à rire, tu peux pas être heureux, tu sais, tes écoutes, puis ils ont du fun, puis il y avait la répartie super rapide, puis le kit. Ça sera plus pareil. Honnêtement, ça sera plus pareil. En fait, c'était le Ringmaster comme toi en ce moment, là. C'était le dude qui contrôlait. Mais beaucoup, tout ça, beaucoup là. Plus qualifié et meilleur, là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, effectivement, là. Je t'entends déjà le rôle, c'était le même. Ouais. Mais aussi, lui, à l'extérieur, il pognait beaucoup des gens de l'industrie à venir sur. Eux autres, ils faisaient les E3, puis ils louaient les chambres, était passé, tout le monde venait. Puis... Tout à coup, eux autres, ils ont passé. Il y a bien des gens comme qui. Puis ils aimaient ça, pogner des invités, puis ils pognaient des invités, genre qui habituellement ont des opinions vraiment différentes. Puis après ça, il faisait venir son show, puis il s'amusait à dealer avec débat. Ça. Mais ce qu'Eric apporte à la table, c'était intéressant en plus, parce que Ryan Davis, c'était quelqu'un que tu peux avoir, mettons, là. Prends deux extrêmes totalement opposés dans le même podcast, puis ce gars-là était tellement friendly puis gentil que l'argumentation. Le monde se pognait jamais, le monde restait cool, le monde restait le fun parce que c'était contagieux un peu, il dégageait un peu une joie de vivre là. Fait que c'est juste le fun. T'écoutes Giant Bombcast, puis c'est incroyable à quel point que c'est juste le fun. Même, tu sais, quand il faisait, j'écoutais les vidéos du mailbag des fois sur Giant Bomb, tu sais, le monde leur envoie des choses, puis ils recevaient des affaires des fois bizarres. Là, il était... si tu veux rire, regarde le premier vidéo, le premier upload qu'ils ont fait de Two Human. Puis c'était la première fois où, pendant que les boss étaient partis à Giant Bomb, ils sont allés, ils sont comme, OK, notre concept, on l'a, mais là, on va le tester pour de vrai. Puis c'était eux s'installer à jouer à un jeu, puis à juste, avec aucune censure, Quick parler look. Comme qu'ils sont. Puis c'était plein de sacrage, plein de shit comme ça, mais il a voulu apporter ça un peu. Ouais. Puis un exemple, tu parlais de lui qui balançait les deux extrêmes, là. Ouais. Le E3, écoute, E3, là, c'est un des E3 que tout le monde dans l'industrie va être d'accord à dire que c'est un des E3 les plus hallucinants, avec des gros twists puis du gros drama depuis des années. Puis t'écoutes toutes les Giant Bombcast, là, puis ils apportent que ça soit du monde d'Xbox One en train de défendre le concept d'Xbox à des gens qui hate, ou pas qui hate, mais comme qui sont sur les autres camps, c'est plate à dire. Mais tu pouvais pas t'en sortir avec une polarisation, là. Je veux dire, ils géraient tout ça. Mais tout ça pour dire... Puis ça, c'est le drinking game d'Eric en passant sur notre show. À chaque fois, je dis tout ça pour dire... Tu renchéris. Tu bois. On boit. À partir de maintenant. Cheers. Cheers. Excusez. Bon, OK. Désolé, j'ai parti ça. Là. C'est correct. Mais... le monde à la maison va le faire quand même. On vous invite à le faire. Moi, je suis pas avec Brest. S'il est 8h du matin puis vous êtes en voiture, peut-être pas. Ou si vous êtes au bureau, on vous invite à sortir la bouteille du vendredi ou du jeudi. Prenez une gorgée de café. Puis... OK, un petit peu de sérieux. Mais oh. Il est décédé après son mariage. Ouais. Le dernier mot que j'ai entendu lui, puis moi j'écoute le Giant Bomb comme ça. Moi j'écoute, tu me parles de Célébrité Québec, là, je connais pas, moi c'est Video Games puis Giant Bomb, ouais. Tout ça. Puis les derniers mots, c'était justement à la fin de leur podcast de 3 heures. Ils font des podcasts de 2h30, 3 heures. Il avait dit à son chum, Jeff, que, on se verra pas, on ne serait pas sur le prochain podcast parce que je prends Jeff puis je l'apporte à mon mariage. C'était son dernier podcast qu'il a fait. Tu peux checker ses tweets avant la fin. Son dernier tweet à vie. Il dit, dans 2 à 3 jours, ça va être la fin. Il dit, enfin, ça va être cool. Ben, lis les tweets. Parce j'espère que je crèverai pas. C'est le dernier à vie. Mais tu sais, lui, il parlait de ses vacances. En voulant dire, c'est comme... Je tombe en vacances puis je m'en vais me marier. Il y a même des... Comme dans les derniers jours, dans les dernières heures... Il chiale sur des films de Sergio Leone, tout ça. Là, en tout cas, c'est mon dernier tweet, hein, ça sera pas beau, je pense. En train d'envoyer chier Michel Blanc. Tu vas mourir avec ton téléphone. Quoi, tu sais, bang, surprends-nous. On l'a perdu, on ne sait pas pourquoi, personne ne le sait encore. Je ne veux pas m'embarquer dans ces... Il y avait quel âge? Il y a plein d'histoires, il y avait 34. Moi, c'est pour ça que ça m'a touché beaucoup, parce qu'elle avait même âge que moi. Puis, on n'entend pas que c'est un gros accident, on n'entend pas rien comme ça, on n'a aucune nouvelle. Les proches, ils gardent ça serré. Il y avait, je me trompe pas, il y avait la maladie de sleep apnea. Ouais. Who knows, peut-être c'est c'était ça. C'est en bas d'un deuxième, genre. Non, le sleep apnea, ah c'est, non, c'est le respirer. Je pensais là, que ça le fait de bout. Melter, man. L'apnée. Fait que ça, c'est pas ça qui est arrivé. Mais effectivement, on a perdu un grand, moi, comme fanatique du journaliste de jeux vidéo. Là, ça, c'est au niveau de l'Internet, il fait partie des pionniers de cet univers-là. Puis je trouve ça très, très plate. Puis oui, tout ça pour dire... Cheers! Un bon cheers. Cheers! Nos condoléances à sa famille, sa femme, ses amis. C'est une perte. Ça m'a touché. Fait d'hiver, là, juste pour rajouter une petite touche à ça, là, mais sur giantbomb.com, il y a eu un thread qui s'est fait partir par les fans. Puis tout le monde publiait leur moment favori avec... Ah non, Chris, man. Fait que tu sais, ils mettaient, mettons, le clip de vidéo qui se faisait souvenir, une image, un bout de texte, des affaires de même. Puis le thread, il a quasiment fait surloader Giant Bomb. C'est que tout le monde allait poster des affaires. Tu sais, c'est le fun, tu sais, tu commences à aller, tu fais « Ah, c'était cool ça, ça c'était... » Ouais. Puis à un moment donné, ça vient de pogner, tu sais, puis tu le connais pas tant que ça, le gars, mais tu sais, c'était comme, mettons, Eric et moi, qu'on écoutait si beaucoup ce podcast-là, puis t'inquiète. Moi, je me sens comme je le connaissais, là, puis il y avait mon âge. Moi, c'est ça qui me fait triper le plus, là, mais en tout cas, ton mais tu sais, c'était ça, tu sais, le thread est venu me chercher, tu sais, puis un peu dans le même sens, tu sais, comme dans le temps quand Kevin Pereira avait quitté Attack of the Show, le dernier épisode, là. C'était venu me chercher ça avec, tu sais, comme tu passes ta jeunesse avec ce monde-là, tu t'écoutes, c'est une partie intégrale de ta vie, tu sais, c'est du monde que tu connais pas, mais tu partages leurs opinions, tu les trouves cool, c'est ils comme, font un paquet d'affaires. C'est comme quand Bob Barker est parti de Price is Right, là, t'es comme, ah, ça sera plus jamais pareil. Non, plus comme quand t'as appris que c'était pas vraiment le père de Barney Stinson. What? Non. Merci Eric, oui. Puis regarde, ouais, triste nouvelle pour le monde de l'industrie de jeux vidéo. C'était la grosse nouvelle. Nick, allô? T'as l'air prêt à nous raconter ton actualité, comme un scout. Juste faire une petite parenthèse, je suis allé voir World War Z, mais genre, on n'en parlera pas parce que t'en as parlé. Mike n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça, puis ben non, mais t'en as parlé il y a deux semaines. Moi, j'étais pas là, moi, il y a deux semaines. Je suis allé voir en 3D, mais à cause de mes yeux fucked up, je ne vois pas en 3D, fait que... Ah, ça l'aide pas, ça. Est-ce que tu vois clair, au moins? Je vois très clair. Avec les lunettes, les lunettes parce permettent que, de voir en couleur, parce que sans les lunettes, tu vois comme embrouillé, fait que là, je mettais les lunettes quand même. Puis je voyais embrouillé avec mes lunettes. Non, mais je voyais quand même, je me disais, ça devait être de la 3D. T'sais. tu sais, les affaires qui se passaient, je dis, OK, ça, ça devait être en 3D, mais moi, je ne le vois pas vraiment. Ça, ça devait être hot. Ça, ça devait être beau pour ceux qui ont des yeux normaux. Ben, le pire, c'est que j'aimerais quasiment ça le voir pas 3D. Tu l'as vu juste 3D, toi, avec? Ouais. Non, moi, je suis un bon vieux 2D. Moi, quand on m'a fait le choix, c'est 2D. Je l'ai même pas vu encore. Mais on va pas éviter l'éléphant dans la pièce, c'est un peu trop loin, là, mais Mike, come on, t'as pas aimé ça pantoute, ou? Ben, c'est si on considère World War Z comme un film de zombies, et je ne pense qu'on peut pas passer à côté du fait que c'est un film de zombies, c'est très mauvais. C'est un film d'effet. Mais si tu le prends comme un film, mettons, comme Disaster Movie 2012, puis que les zombies sont un élément secondaire, puis c'est un Disaster Movie. Si on oublie que c'est tous les zombies, puis qu'on oublie les trous du scénario qui sont grands, comme le Penn State Stadium, c'est pas... En passant, c'est il y a pas si mauvais que je pensais. Qui se mettent dans le stadium de Penn State. Ouais. C'est pas si mauvais que je pensais. Je pense que je m'attendais à pire. Ouais. Mais écoute, là, il se crash en avion, puis il marche deux minutes, puis il est à son World Health Organization. C'est pas des qu'il trous, ça. Mais outre ça, par exemple, t'as-tu le film? Le monde riait. Je veux pas trop spoiler le film, parce que ça vaut quand même la peine de le voir. Là, mais là, à la scène où que... il y a une scène où que Brad Pitt fait aller chercher quelque chose, puis qu'il y a un zombie d'un autre côté d'une place, okay, là, le monde dans la salle riait. Oui. N'importe quelle personne qui se respecte devant un film de zombie ne rit pas à des zombies. Ouais. Moi, je suis désolé, mais ça ne rit pas. Moi aussi. Et savez-vous quoi? Je suis sûr que si Rémi Couture a vu les make-up de ces zombies-là, il devait rire en maudit aussi. C'est... En tout cas. Mais avoue que l'immersion, c'est par moins exemple, pire qu'un Die Hard. Ah oui, non, ça c'est sûr et certain. OK. Mais sinon, Nick, tu en as parlé. Je voulais parler du nouveau... Pas si nouveau que ça, mais ça fait quand même une couple de semaines que ça roule. Là, disons, c'est plus présent. Les Spotted. Ah, Spotted de Montréal. Montréal, Spotted STM, Spotted Terrebonne, Spotted whatever. Toutes les villes ont un Spotted. C'est quoi ça, Spotted, Nick? Excellent sujet. Ben, c'est ça. Au départ, quand ça a commencé, Spotted, c'était, mettons, quelqu'un qui disait Spotted ou schizophrène, qui avait une conversation avec un parcomètre sur la rue Sainte-Catherine. C'est comme un shout-out. Comme... Ouais, c'est ça. C'était comme, c'était drôle. Puis là, c'est vite devenu, très vite devenu, une espèce de... Ouais, c'est Rick. On va couper ça au montage, c'est pas grave. C'était... C'est ou, comme, ou non. Spotted. Comme devenu une espèce de site de rencontre, de stalker, whatever, genre Spotted de la fille au Dairy Queen qui s'achetait une crème molle. Tapper Nick. On va juste laisser le fucking gros camion passer, man. Ah ouais, klaxon! Fait que c'est ça. Spotted, je trouve que c'est rendu une espèce de... C'est un site de rencontre. C'est rendu n'importe quoi. De stalker, qui est un gars qui voit une fille, genre Spotted, la fille, shout-out. Ouais, ouais. La fille au Dairy Queen qui s'achetait une crème molle avec sa camisole blanche. Si tu me reconnais, genre, je t'ai pogné une fesse, on s'est regardé Mélanie, on s'est trop chaud. On s'est regardé dans les yeux pendant 5 secondes. Si tu te reconnais, écris-moi. V'là ton numéro de plaque de char, puis tu restes à telle place. Comme, je t'ai suivi. Il y a trop de renseignements. C'est creepy à fond. Moi, je m'ai fait banner de page parce que je disais tout le temps, genre, c'est moi. À toute fois qu'il décrivait quelqu'un. Milter, tu t'es fait banner de la page de Dairy Queen. De Dairy Queen, non. Je pense pas. Je commençais à trouver ça vraiment ridicule. Fait que là, j'ai pas pu m'empêcher. Je commence à participer à toutes les spadudes que je vois. Ah, moi, j'écris mon grain. Je mets mon grain de sel dans tout, genre, avec gentillesse. Ou pas. J'ai eu un avertissement de l'admin de Spotted Montréal de me calmer, sinon il allait me bannir. Je suis extrêmement curieux à quel genre de grain de sel. Oh boy. Ouf. Ok, Nick, ça se dit pas en ondes. Je peux te permettre. Garde-toi avec un. Au pire, attends un peu. Dis-le lentement. Il y a certains mots que je vais censurer. Non, mais comme il ne une, ça c'est lentement. Quoi, faut que je m'en rappelle une même moi, je me trouvais drôle. C'est rare que je ris de mes jokes à voix haute, puis là, je me relisais, puis j'étais comme. C'est les mais meilleurs. Moi, des fois, tu sais, dans mon feed Facebook, je vois justement, tu sais, Nicolas Dénommé commented on Spotted quelque chose, c'est le status. Fait que là, tu dis, ah, je vais checker c'est quoi, puis tu vois juste, t'arrives en bas, puis tu vois Nick, maudite conne. C'est comme, ah, ok. Je vois ça, ben fuck, j'ai plus de moutarde. Ouais, ça aussi. Une, c'est comme un Spotted, c'est même plus un Spotted, c'était mon chum revient. De je sais pas trop où, qu'est-ce que je pourrais lui faire comme surprise. Là, tout le monde disait ah, fais ci, fais ça, puis c'était comme là, ça s'en venait comme des aspects de fantasmes sexuels. Fait que moi j'ai juste écrit mets-toi nu, puis chante la bamba avec une demi-cantaloupe sur la tête. on sait bien que Richie Valens puis les melons, c'est le fantasme de tous les hommes. Wow! Puis après ça, tu te demandes pourquoi je t'ai demandé si tu voulais être collaborateur. Puis, ouais, mais, puis après, tu te fais avertir pour ça. Tu sais, non, tu mais peux pas. Je me suis fait avertir comment? Pour ça. Je me suis fait avertir pour plus cette grosse conne. Ouais, ok, ouais. Mais là, je trouve que ça s'est rendu comme. C'est juste du monde excellent. Qui stalk du monde, des filles qui trouvent des gars cute, des gars qui trouvent des filles cute. Puis je trouve ça vraiment plate parce que au début, les sports dudes, c'était plus comme. C'était dans les écoles, non, aussi. Moi, je voyais ça dans les collèges anglais au début. Hey, j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a envoyé quand je regardais Spotted, là. Il y a quelqu'un qui a posté Spotted célibataire 12-15. Il dit, Chris, check ça, ça n'a pas rapport, là. Tu check, c'est des petits enfants de 12 ans. Moi, je suis célibataire. Comment t'as 12 ans? Tu penses pas à être célibataire à 12 ans? Les kids se marier sur Facebook. Ben, ça, c'est pour niaiser, là. Non, ça n'a pas rapport, c'est parce que j'ai bien des petits cousins. Puis des, OK, ça, c'est pas niaiser. J'ai sur Facebook. Fait que T'as un genre de look sur qu'est-ce qui se passe dans les kids. Puis je m'excuse, mais est-ce que je suis content que j'ai pas vu dans l'époque de l'Internet, moi? Ils ont aucune idée comment chanceux qu'on a été. Moi, je veux juste faire un shout-out à ton cousin qui boit pas, par exemple. Puis boit pas, c'est entre guillemets. Ouais, lui, ouais, qui boit pas. Cheers! Cheers! Doug, cheers Doug! T'écoutes pas parce celui qu'on a rencontré, là, mais... Ouais, celui qui était chez nous. Celui qui a fini avec la bouteille de Jaeger. Ouais. Le pire spandude que j'ai vu à date, c'était vraiment comme... C'était vraiment... J'en revenais pas. Okay. C'est quelqu'un qui a pris une photo d'un monsieur, un vieillard quand même. Ah oui, dans le parc? Assis sur un banc. Il est juste assis sur un banc de parc. Puis là, le spandude, c'est shout-out au vieux pédo assis sur le banc de parc qui check des enfants. Puis là, je fais comme ça, pas de bon sens, mais là, tous les commentaires, « Ah, c'est dégueulasse! » C'est comme, il a pas le droit de se reposer dans un parc. C'est automatiquement un pédo. Sa photo, là. Wow, sa photo sur Internet. Ça, son procès a déjà été fait. Tu sais, je sais pas combien il y a de likes sur Sport de Montréal, mais il y a quand même des milliers de personnes qui ont vu ce vieillard-là étiqueté comme un pédophile parce qu'il est assis dans un fucking parc. Ça, c'est digne de Régent Lajoie, ça. Ouais, mais c'est de l'anonyme. Fait que le monde poste n'importe quoi. Puis je m'en suis mêlé. Je lui écrivais pas des niaiseries. Là, j'étais comme, là, calmez-vous, là. OK, on sait pas son background, ce vieux-là, mais jusqu'à preuve du contraire, il est assis dans un parc. Ouais, au pire, ses petits-enfants sont en train de jouer. Il n'a pas mis rien dans la bouche de personne. Il est peut-être triste. Quoi? Excusez. Il a rien mis dans la bouche. Non, mais... Ça n'a pas de bon sens. Oui, regardez, moi, que je trouve pis, aussi... Tu sais, de faire juste un spot-out de ça, OK, ça peut passer, mais là, il y a sa photo, là. Le vieux est sur Internet, puis le ça, monde le voit comme un pédophile. Ouais. J'en revenais pas. Mais là, aussi, le gars qui se passe une page. Je trouve ça plate parce ça, que là. L'admin de ça qui m'avertit, moi, c'est lui qui l'a publié. D'arrêter de dire des niaiseries. C'est un lui, voyeur. C'est un voyeur total. Lui, c'est la seule personne qui est vraiment dans l'anonymat. Ouais, mais il est dans l'anonymat. Il y a des petites annonces, ça. C'est rendu Kijiji puis les packs. Il prend ses messages non lus, il fait copier-coller. C'est tout. C'est ça, il check même pas ses copier-coller, il poste. J'ai fait des tests, j'écris n'importe quoi. Mais lui, il sait les secrets. Tout le monde, là, quand que la personne elle écrit, hey, voudrais... toi, j'ai fait ça. Là, lui, c'est vu, qui lui, la personne c'est qui ce monde-là? Moi, c'est du voyeurisme. Un spotted Facebook page. Du e-voyeurisme. Flipper la Switch. Tout d'un coup, toutes les posts, tu marques qui que c'est. Oh shit. Ouais, ben là, le monde ça va arrêter de t'en envoyer. Ben, il y a ce parler de STM aussi, qu'il y a beaucoup de monde qui pose lui, des photos. Lui, je le trouve drôle. Il y en a qui censurent les faces, fait que ça, c'est pas pire. Mais des fois, tu vois quand même le monde qui ont la cave dans le métro, genre quelqu'un qui dort, puis la gueule ouverte avec la bave. Puis... Mais c'est un excellent point que tu as amené, Nicolas, parce que où est la ligne entre le « on fait un spot-up de ça », puis qu'après ça, on dit que telle personne, on va te bannir parce que tu as lancé un commentaire déplacé. On lave notre linge sale en public. Exactement. Ça, c'est est-ce que « in the first place », ça ne l'est pas déplacé? On prend l'exemple là, de celui qui a été identifié pédophile. Là, ben, je trouve que c'est plus grave. Vraiment... Je trouve que c'est plus grave que moi qui dis à une fille. Tout à fait. 100% grosse conne parce que. C'est de l'Internet. Parce qu'il y en a une fille qui a marqué Spotted au gars qui m'a tenu la porte. C'était vraiment gentil. Puis elle était comme en extase. Puis j'ai juste écrit Spotted à la fille qui est au 7e ciel depuis qu'elle s'est fait ouvrir la porte. Est-ce petite grosse conne. C'est là que j'ai été averti, genre, d'arrêter d'insulter les gens gratuitement. Mais moi, personnellement, je trouve ça moins pire de traiter une fille de conne parce qu'elle écrit un message de conne. Puis moi qui me sers encore d'Internet pour écouter des trailers de films puis télécharger de la musique sur Internet. L'Internet est dérapé. Je trouve que nous autres, on est divertissant. Non, on s'essaye. Ça, c'est comme le monde qui a sur Google puis qui écrive Blue Waffle. Non, ça, c'est comme sur le monde qui joue à Ingress puis oublie que des, dans pas loin, il va y avoir des meurtres. Fait que c'est ça, Spawn Dude, c'était quand même intéressant quand ça a commencé, mais là, c'est rendu comme n'importe quoi. Puis je peux te faire juste un petit shout-out. Tu peux faire un shout-out. Shout-out à la gang du film Sharknado. Le film sort jeudi, là, on est lundi. Oh! Sci-fi, Sci-fi, sorti, baby. Il est sorti jeudi sur Sci-Fi. OK, c'est clair qu'on se claque ça, c'est un là. Chef-d'œuvre. Excellent. Ça va être un chef-d'œuvre, je l'ai pas vu encore, mais une tornade de requins, ça peut pas être mauvais. Un des plus beaux posters que j'ai vu depuis longtemps. Sharknado, ouais. C'est ceux qui aiment les films de requins, mutants, whatever, là, c'est... Et de tornades. Et de Tara Reid. Fait que c'était Jazz et Twister. Tara Reid qui tente de relancer sa carrière avec Sharknado, c'est le meilleur move de sa vie. Ouais. Bravo, Tara. Tara Reid. C'est vrai. Milter! Ben, moi, j'étais pas là la dernière fois, fait que ça fait un bout. Puis depuis qu'est-ce qui se passe depuis ce temps-là? Ben là, j'étais à Woodstock. Y'avait-tu Internet à Woodstock? Ouais, sérieusement, ça pognait bien. Du Wi-Fi. Tabarnak. Ouais, mais c'est pas du Wi-Fi, mais j'avais du 3G, là. Ça pognait en crise. Je m'attendais pas à ça pour être dans un champ en boxe, là. C'était quelque chose de très fort. Petite parenthèse, j'ai découvert le Oh Boy Alberto Bacon Jerky. Je sais pas s'il y a en vente ici, mais je vous recommande ça. On en a parlé tantôt chez Milano. C'est du jerky au bacon. C'est du jerky de bacon. J'ai pogné ça à l'épicerie en Boss Nowhere, de même. Bon, c'est un coup de tête, je vais le goûter à ça. À côté des pork rinds. J'ai mangé ça, là. Quand on est revenu, là, moi puis le gars qui qu'on était là, pour Woodstock en Boss, en revenant, on a dit on arrête à l'épicerie puis on achète tout le bacon jerky qu'il y a. On s'est regardé, là, comme puis yeah. Étiez-vous 100%... On était fatigués, ça faisait 5 jours qu'on dormait pas. Vous étiez fatigués? Non, mais on en parlait depuis 5 jours. On était bien fatigués, on avait les yeux rouges tellement qu'on était fatigués. Ouais, c'était incroyable. Dormir, sérieusement, j'ai dormi 16 heures en 5 jours. Là. Je vendais des t-shirts là-bas. Là. C'était quelque chose. C'était le fun, c'était rough. Mais ça n'a même pas rapport pourquoi j'ai dit ça. Dans le fond, la seule fois que je le dis, c'est que juste avant de partir, j'ai fait le ménage chez nous. J'ai tradé des jeux, des affaires de même. Je suis allé porter plein de vieux jeux d'Xbox 360 que je jouais pas. Puis je m'ai pogné une Nintendo 3DS. Nice. Pis, cool. C'est cool, là. Moi j'aime bien ça. Mais l'affaire, c'est que là, pour l'instant, j'ai pas acheté de jeu de 3DS. Fait que je joue à Pokémon Black 2 du DS normal sur ma 3DS qui est pas en 3D. T'amuses? Ouais. Tout ce qui compte, c'était carrément. Mais l'affaire, c'est que j'ai acheté Pokémon Black 2 pour moi. Puis mon fils, il a Pokémon White 2. Fait que là, on joue, puis moi, j'ai dit de me pogner des Pokémon que moi, je peux pas avoir dans mon jeu. Fait que lui, il me donne, moi, j'ai dit tout, puis moi, pendant ce temps-là, je refile comme plein de bonhommes forts au bout, là, parce que je suis Father of the Year Award, right there, boys and girls. Fait que là, on se fait des missions ensemble. Je suis tout le temps un petit peu plus avancé que lui, parce qu'au pire, s'il me dépasse dans le soir, moi, je joue un peu, un petit 2 heures, juste pour être sûr de pogner les Pokémon plus forts qu'il va rencontrer. Puis je fais trade avec lui, là, genre. Moi, quand je pense à Pokémon, là, je pense à toujours à le kid de 17 ans. Qui est dans la phase qu'on se rappelle toutes deux. Puis il dit, asti que c'est poche Pokémon, c'est un jeu de kid. Ouais, sac. Là tu te rappelles que s'il y a une chose, tout le monde associe les Pokémon. Mais c'est à cause que les cartoons ont pogné plus que pas plus, mais à une époque les cartoons ont pogné que du monde qui ont fait une génération de monde qui écoutait le cartoon, mais ils catchaient pas qu'il y avait un jeu derrière ça qui était carrément un Final Fantasy, si on peut dire. C'est jusqu'au lieu d'avoir 6 personnages, mais t'as 120 personnes, puis tu choisis tes 6 qui ont 4 pouvoirs au lieu de faire un... Tu sais, c'est du gros RPG quand tu y penses, là, tu sais. C'est exactement ça, c'est du le monde qui aime du farming, puis des affaires, c'est classique RPG, vu de haut, c'est beau. Moi, je trippe. Donc, ça, le graphique comparativement aux deux. Quand même assez. Comparativement au black et white. Ben, parce que moi, j'ai le black. Ben, le black. Ben, c'est la même chose, mais. C'est un petit peu mieux. Ouais. Ils ont des petites affaires de menu plus changées. Fluide, je pense. Puis, ouais. Mais ça se ressemble beaucoup, mais au mois d'octobre, je planifie acheter encore pour mon gars. Il y a X puis Y. Puis, genre, je vais lui dire comme. Choisis une main, là. Genre, c'est ça que j'ai fait. J'ai acheté les deux, puis j'étais arrivé devant lui. J'ai dit, choisis une main, puis il a choisi. Il a pogné white. J'ai dit, OK, moi j'ai black. Fait que les dons est parti. Mais là, c'est le premier qui va être vraiment 3DS. Mais j'adore que c'est X, Y, puis le premier 3DS. Ouais, mais non, mais c'est le premier fait pour 3DS. Ah, fait qu'il va être en 3D, puis ça va être cool. Là, pour... En tout cas, j'imagine. Là, moi, à date, toutes les fois que je l'ai mis en 3D, je trouve ça à chier, là, personnellement. Mais j'ai pas joué vraiment à des jeux 3D. Fait que. Peut-être moi qui le tiens mal ou pas dans le bon angle ou quelque chose. Je m'ai fait dire que c'est peut-être ça. Puis je suis bien évaché puis je joue avec l'écran tout croche. Mais je vais essayer. Là. Mon gars, il y a 3-4 jeux de 3DS. Là. À un moment donné, je vais essayer Lego Batman 3D. Cool. Quand c'est de même. Là. Puis, faut que je dise que l'e-store est cool parce que je peux downloader plein de vieux classiques de Game Boy, puis je vais downloader dans pas long pour 5$ chaque des vieux Zelda que j'ai jamais joué dans le temps. 5$ c'est pour toute 5, la gang? Non, ou? C'est 5$ chaque, mais c'est deux jeux, je pense qu'ils étaient au Game Boy Color, si je me trompe pas. C'était Zelda, Oracle of Ages, puis Oracle of Seasons. Ouais, ils sont super bons, eux autres. Il paraît que moi, dans le temps, je me souviens, je m'en ai comme ressouvenu vu que je les avais pas joués, puis c'était Game Boy, là. Mais ces deux jeux-là, ils étaient sortis en même temps, puis c'était comme... C'est le même concept que Pokémon, en fait. C'est ben, c'est ça, ouais, un peu. Fait que là, je me dis, crème, je pourrais downloader deux 5$ chaque, puis deux Zelda en vieux old school qui durent longtemps, pourquoi pas. Pendant qu'il dérape, Zelda, 2 secondes, Minish Cap, man, tu pognerais ça. Ouais, faut toujours Minish Cap. Il est sur un Game Boy, c'est le link de Game Boy Advance, mais s'il sort là-dessus... Mais je pense qu'il est là, je vais checker. Il est écœurant, Minish Cap. Ah, c'est bon. Ça. En tout cas, je trouve ça cool. Puis oui. Bientôt, je vais acheter une PS Vita, sûrement aussi, parce que j'aime ça. Moi, tout, j'ai décidé de me l'acheter. C'est bon, ça. Je joue plus avec ça qu'une console, parce que moi c'est aussi. Plus facile pour moi. Je l'ai de même, nowhere. Genre, bon, je suis assis le divan, j'écoute un film, je sors mon Game Boy, puis mon DS, puis je genre, monte 2-3 niveaux. PlayStation, c'est l'équivalent aussi, parce que tu as les jeux de PlayStation 1 pour 5-6$, que moi, je trouve ouais. C'est une excellente ressource. Puis s'ils il agrandissent cette collection-là. Mais je suis content d'acheter du portable. Genre. Cool. Merci, Milter. André. Ouais, ouais. Toi, ouais. Ça se passe de bon. My God. J'ai fait quelque chose que j'avais pas fait depuis 7 ans. Je suis allé chez Microbytes. Puis ça faisait longtemps que je regardais pour mettre à jour ma machine. Fait que je suis allé chez Microbytes. Puis j'ai acheté des nouveaux morceaux. Puis c'est des très beaux moments jusqu'à temps que tu réalises. Hey, je viens de mettre 600$, moi, là. Mais. Très bon moment. J'ai acheté un paquet de morceaux. Puis. C'est là que je me suis rendu compte que je suis dépassé un peu parce que avant j'étais comme hey, le nouveau processeur, la nouvelle RAM, les nouvelles affaires de même, t'inquiète. Je m'en vais là-bas puis je dis au représentant, je dis écoute, garde, je vais mettre à jour, je sais à peu près, je savais le processeur que je voulais, je savais la RAM, les choses. Mais là, il me vend ma nouvelle carte maîtresse, puis le power supply fait dessus, les choses comme ça. J'arrive chez nous, puis tu sais, monter une machine, moi ça a tout le temps été un rituel. Je veux qu'elle soit bien montée, je veux, tu sais, je tie-wrap mes fils. Je fais attention pour pas que ça soit tout lousse parce qu'il y a de la poussière. Là, j'ouvre ça, je fais toute ma attention, je monte toute ma machine comme du monde. Puis là, ben, tu sais, ça fait à peu près 1h30 je gosse. J'ai mis la pâte thermale sur le processeur, mets le nouveau cooler, les choses comme ça. La pâte thermale, là. Ouais, tu mets de la pâte thermale sur entre ton processeur puis le heating, je connais pas le, en français, la fan. Tu prends ça, qui est bien plus à cœur que moi. Je viens de m'en rendre compte, j'étais comme, ouais. Là, puis quand t'as dit pâte thermale, je fais comme, ouais. Ouais. Non, mais faut que t'en mettes, en fait. Master, fait d'hiver, les nouveaux processeurs, j'ai vu. Sur le heatsink, la pâte thermale, elle vient coller dessus par défaut quand tu la jettes. Mais ma leçon que je t'ai parlé de dernièrement, c'est que ça, éventuellement, ça sèche puis ça devient très chaud. Fait qu'en gros, tu sais, je monte toute ma machine, toute la kit. Il est rendu à peu près 11h30, minuit le soir. Je suis vraiment content. Puis là, installe Windows. Puis là, j'arrive pour fermer ma boîte puis installer Windows. Puis là, je fais comme... Windows 8 ou... Windows 7 encore. 7, je pars Windows 8. Parce que cool je l'ai pas ça, acheté là. Quand j'avais... Il était 49. L'interface Xbox. C'est même pas ça. C'est que j'ai pas payé à 49 puis j'ai voulu l'acheter. Mais il est rendu 130$. Je l'ai dit à tout le monde. Fait que j'ai fait bon, mais regarde, je fait avoir. Ouais, il est rendu cher. À tout le monde. Mais j'essayais de dire à tout le monde, j'étais comme fuck, c'est la première fois qu'ils font ça. Mais vu que j'édite un podcast, puis que mon programme, je savais pas s'il était compatible avec Windows 8, j'ai attendu. Puis finalement, il l'est. Des années avec ça. Mais anyways, garde, j'arrive pour installer Windows sur ma machine, puis c'est là que je me réalise que le charmant monsieur de chez Microbytes m'a pas averti. Puis là, excusez-moi, je vais être technique, mais j'ai un lecteur DVD-ROM IDE. Et la nouvelle carte maîtresse qui me vend a uniquement des connecteurs SATA, donc je ne pouvais pas connecter mon lecteur DVD-ROM. Pour traduire, tu avais juste des... Ça fonctionnait pas. Il y a un lecteur DVD RCA, fait que tu as le fil jaune, rouge et blanc. Puis il a appris que tout ce que son nouveau ordinateur prend, c'est du HDMI. Ouais, fait que j'avais rien pour connecter. Puis là, avec toute la job que j'ai faite, tu sais, puis là, j'ai tout pris mon temps, puis j'arrive, puis c'était comme le moment de gloire. Tu t'en es rendu compte à la fin, là. Ouais, vraiment okay, à la fin, mais tu sais, moi, je me suis dit, ça se peut... Ça va se connecter pareil. Non, ça s'est pas connecté pareil. Fait que je finis ça. Le lendemain matin, je me rends chez... je nommerai pas le commerce, parce qu'ils sont quand même corrects. Là. Je me rends au commerce. Tu dis depuis tantôt. OK, fait que je me rends chez Microbytes. J'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Shout-out à Microbytes. Shout-out à Microbytes. Non, mais le gars, il était correct, pareil. Fait que j'arrive le lendemain, puis c'est le même vendeur. Puis je rentre, puis il fait « Oui ». Puis là, il me regarde, puis il n'y a pas trop de l'air sûr. Puis moi, je la regarde en blindé. Tu sais qu'il y avait de quoi. C'était 24 heures, rappelle-toi de moi. Là, j'ai dépensé 600$ hier, pareil, tu sais. Puis là, je dis au gars, ouais, j'ai acheté des pièces hier. Il fait, ah, oh, ouais. Je dis, ouais, tu sais, je t'avais dit que mon ordi avait à peu près 6-7 ans. Là. Ouais. C'était mon lecteur CD-ROM se connecte pas. Fait que là, il me regarde, il fait, oh! Là, je dis, ben, il va falloir que je m'achète. Fait que finalement, je suis passé de 600 à 700 parce qu'il a fallu que je m'achète un DVD-ROM. En fait, à cette heure, c'est juste des Blu-ray. Yeah. Fait que là, je suis. Non, en fait, c'est un RW. Un graveur de Blu-ray, apparemment. Go, man, mais, bon. Anyways, garde, c'est que. On va copier du stock. Non, aucunement. En fait, on va sûrement archiver les épisodes c'est du podcast, mais c'est en direct. C'est l'habitude de personne qui a été élevée dans les années 80-90. Mes... Wow, tu peux copier du média. Je vais t'amener mes Blu-ray, là. Tu sais, en gros, c'est juste que. Mon fun a tellement été brimé parce que, tu sais, la veille, là, j'étais vraiment en maudit. Puis j'ai fait de quoi de vraiment. Ghetto un peu. J'ai sorti mon vieux lecteur HD DVD de 360. Ben, je me suis dit, c'est un lecteur optique ça, nice. À USB. Yeah. Je l'ai branché puis j'essayais de copier Windows, mais je me suis rendu compte que dans les boîtes, il a mangé une coupe de volée le lecteur HD DVD. Fait que je copiais pas. Puis, non, ça n'a pas marché finalement. Ah, c'est pas... Fait qu'en gros, j'ai upgradé mon ordi puis je me suis donné des maux de tête pour rien pendant 24 heures. Mais tu freaks un peu. Là. Mais quand tu le branchais, ton lecteur DVD HD. De Microsoft, est-ce qu'il le reconnaissait? Oui, oui, il le reconnaissait. C'est juste que quand il arrivait pour copier, il faisait des... Mais tu peux-tu booter du disque? Oui, oui, tu peux tout faire ça. C'est juste qu'il skippait. Il lit tout croche, le gars. Il a mangé des volets. Il était dans une boîte. Honnêtement, là, cette boîte-là... Là, OK, tout... En tout cas, je vais prendre un guess, mais la majorité, on est des gars autour de la table. Là. En fait, la totalité, on est des gars autour de la table. Je suis habitué parce qu'il y a Mel. Mel n'est pas là. Fait qu'on s'ennuie de toi, Mel. Vous avez pas mal toute une boîte fuck-all avec des vieux fils puis des vieilles prises puis des affaires de même. Ça s'appelle un spaghetti box. La boîte à spaghetti. Nick, t'as une boîte à spaghetti? Ouais, Milter? C'est quoi tu veux dire par boîte à spaghetti? La boîte que tu mets tous tes fils par rapport puis tes extensions puis tes connecteurs random. Ouais. Pis... Ben ouais, j'ai... OK, bon, ben... straight en plastique. Yeah, c'est ça. Ben j'ai la même affaire puis mon lecteur HD DVD était là-dedans. Ça a mangé une couple de coups de pied ou de boîte ou de déménagement du stock. En tout cas, ça marchait pas. J'ai monté une machine. Puis c'est ça qui s'est passé. Tu me fais penser en sinon, le résultat final, c'est... Moi, ça va super bien. Honnêtement, là, je peux éditer les épisodes c'est maintenant le beaucoup plus rapidement. Je peux jouer à Breaking Point, qui est un nouveau mode de DayZ que je trippe solide. Joué. Super bon. Tu m'en as parlé, mais j'ai pas encore essayé. Moi, j'ai lâché ça. Plus d'armes, plus de véhicules. Toutes les serveurs sont reliés. Sérieux? Moins de hackers. C'est tout ce qui manquait de DayZ. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un DayZ le fun. Y a-tu des objectifs à cette heure ou c'est encore un jeu que tu fais rien? L'objectif, c'est de survivre au gars qui était sur un autre serveur qu'un autre. Tu fais rien, Milter. Tu restes assis dans un chalet. Tu t'attends. Ah, Milter, venez me chercher. Je suis au chalet. Puis là, il se déconnecte. Il rejoue 3 jours plus tard. Vous êtes rendu où? On est à l'autre bout de la map. Venez me chercher. Je suis encore à la même place. J'avais pas le temps de jouer. Là. Fait qu'en tout cas, c'est ça qui s'est passé. C'était donc, le bout de Léo Laporte, Tech TV de l'épisode pour le monde qui savent c'est qui. C'est ça. Je m'excuse d'avoir mon lecteur HD DVD de Microsoft que j'ai en passant fonctionne toujours mieux que mon lecteur Blu-ray. Je veux dire ça. J'en doute même pas. Est-ce qu'on est. T'as un lecteur HD DVD? Oui. Moi j'en ai un. Puis j'ai une collection de films HD DVD. J'ai des films HD DVD en plus. Nicolas, t'en as-tu un? Oui. On est 4 sur 5 à l'entour de la table à avoir un lecteur HD DVD. OK, fait que la leçon de la journée... C'était cool, les lecteurs HD DVD. Personnes... Ben, on croyait... moi, j'en avais un, je l'ai vendu, là, quand j'ai vu que ça suivait pas, là. J'ai mais où de films. Où que je travaillais, là, avant, là, tu pouvais... Je sais pas s'il en reste encore, là, mais il y avait plein d'overstock achetés, là. On avait tous les films d'HD DVD disponibles, ils vendaient 2 ou 2... Écoute, c'est le 99 laser... ou 2,99. C'est le Laserdisc de 2000. Moi, je me cherche encore un lecteur Laserdisc. Ouais, ben c'est ça, mais le... J'ai un film en laserdisc, puis ça me prend un lecteur. Donc, Fantasia. Yeah. Mike, tu nous en as parlé indirectement tantôt, mais Fantasia, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça s'adresse à qui? On y va pourquoi? C'est quoi Fantasia? Plein de questions. OK, est-ce qu'on commence avec une petite histoire? Donne-moi 30 secondes. T'as reçu une goutte? C'est vrai? T'as reçu une goutte? Non, c'est vrai, point d'interrogation. C'est peut-être moi qui crache en parlant. J'avoue que ça devient gris pareil. OK, qu'est-ce qu'on va faire, là? OK, Mike, pourrais-tu me répéter ce que tu viens de me dire, s'il te plaît? Selon la belle app de Météo Média, pour 21h, on est à... Hey, ça change vite, hein? 30%. On est à 20%, là, 20 secondes. Fait qu'il est 20h49. Donc, on a un 30% de chance. L'eau est en train de descendre présentement du ciel, puis à chaque seconde, ça augmente de 10%. OK, on l'essaye. Le vent se lève en crise. Oui, mais il y a des soirées venteuses sans pluie. Oui. Ouais. Mais je veux pas risquer avec ton nez. T'es sûr de ça, Eric? Non, c'est ça. Je veux pas que ce soit sur moi qui a dit que c'était sûr. donc courte intermède de la pluvieuse. C'était assez quelque chose, débrancher l'équipement, rebrancher l'équipement pour ensuite se rendre sous le toit, pour ensuite se rendre compte qu'il pleut en diagonale. On est rendu en dedans. En on est en dedans, fait chaud. Est-ce qu'il fait chaud, André? Ça pue, puis on est bien. C'est pour ne pas citer une expression québécoise. Donc, Mike, avant toute cette flotte, ça allait nous expliquer Fantasia, dans le fond. C'est quoi? Ça mange quoi en hiver? C'est pour qui? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait combien de temps que ça existe? C'est ça. C'est ça? C'est ça. OK, c'est allons-y. Festival Fantasia est, par définition, là, si on regarde sur leur guide, là, Festival international de films de genre. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui peuvent y aller avec leur propre définition de c'est quoi un film de genre. On s'entend que par genre, on pense pas à la fille de 14 ans qui dit « Ma BFF est full genre film », okay, là, mais on parle vraiment d'un film qui a des traits particuliers. On ne parle pas de qu'est-ce qu'Hollywood fait, on ne parle pas de comédie, on parle vraiment de film spécial. C'est-tu comme un film d'auteur? Il y a du film d'auteur, mais il y a aussi du film grand public. C'est une série B un peu aussi dans un sens. Ça regroupe beaucoup de genres, incluant le série B. Ouais. Allons-y avec un film de genre quand même grand public, Bon Cop, Bad Cop. Bon Cop, Bad Cop a été présenté en première mondiale à Fantasia en 2004 ou 2005, ouais, je ne me souviens plus. Ouais. Ça a été présenté la première fois devant un public là. Éric Canuel était là, Patrick Huard était là, OK? Voici un exemple de ce genre de film-là. Évidemment, il y a beaucoup de films d'auteurs, ça c'est sûr et certain. Le Festival Fantasia, c'est... On trouvera pas de Lone Ranger là-bas. C'est sûr et certain qu'on va faire des découvertes. Il y a des films qui sont partis de Fantasia et qui ont eu des carrières internationales extrêmement reconnues et qui sont des films d'auteurs. Allons-y avec le meilleur exemple, un film que tout le monde se doit de voir, le film suédois Let the Right One In, qui est, les Américains en ont fait un remake, Let Me In, qui est un film d'horreur ou plutôt un drame psychologique. Mais y as-tu participé à ce remake-là, l'équipe originale? Non. Okay. Non, c'est l'équipe qui ont fait Cloverfield qui ont fait ce remake-là. Puis le dude qui était l'original de ça, il a dit « Merci pour le cash, j'espère que vous faites de quoi quand même potable. » Il y a... J'avais lu une critique qu'il avait donnée, je pense, c'était soit sur Twitch ou Rumor, comme quoi qu'il avait beaucoup apprécié le remake. Il avait trouvé que parce Matt Reeves... C'est toujours ça, parce que les chèques, ils rentrent. J'imagine aussi, hein, ça serait mal placé. Ouais. Non, c'est sûr. Mais le Festival Fantasia, OK, allons-y avec une petite historique. Ça a commencé en 1996. C'est le président du festival, Pierre Corbeil, qui est une personne extrêmement généreuse et sympathique de son temps, qui, avec deux autres personnes, se sont dit « Nous autres, on aime ça, des films de combat, des films asiatiques, des films d'horreur, puis des films un peu plus particuliers. Pensez-vous qu'il y a d'autres mondes? » Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Moi aussi. « Pensez-vous qu'il y a d'autres mondes qui embarqueraient avec nous? » Fait qu'ils ont commencé en 1996 avec une première édition qui a très, très bien été, et d'année en année, ça l'a augmenté. On est rendu... Fantasia a eu l'année dernière tout près de 100 000 visiteurs. Wow. C'est plus que le Festival des films du monde de Serge Lozic. C'est plus que le Festival du nouveau cinéma de M. Chamberlain. Mais ça reste. C'est donc rendu le festival le plus populaire en tant que vente de billets à Montréal. Pis c'est connu internationalement parce que moi j'ai rencontré du monde du Texas qui ont des films dans de genre, si on peut dire. Puis il me parlait, puis « Oh, Montréal, Fantasia, hein. » C'est comment, ouais, Tout à fait, je te dirais qu'il y a peut-être trois festivals mondiaux de festivals de films de genre qui sont reconnus. Il y en a un qui est à Austin, au Texas, qui est le Fantastic Fest, qui est en septembre. Ils viennent d'annoncer aujourd'hui que Machete Kills vont être leur film d'ouverture. Et il y en a un aussi qui est à Barcelone, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est le festival de Stige, je pense, S-T-I-G-E-S, qui est une ville, c'est, je pense, un peu les trois plus gros. Il y en a d'autres. Il y en a à Bruxelles, etc., etc. Il y a une section de films de genre à Cannes. Old Boy a commencé sa carrière à Cannes. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de festivals, mais effectivement, Fantasia est vraiment reconnu. C'est le numéro un en Amérique du Nord, ça, c'est sûr et certain. Il est souvent imité, mais jamais rattrapé. Donc, au fil des années, le film a juste fait augmenter. Le festival a juste augmenté en popularité. Ben, une fois que tu y vas, personnellement, t'as tu as un peu la piqûre, fait que tu y retournes l'année prochaine, t'en parles à du monde, ça peut juste grossir. Là, tout à fait. Et ce qu'on ressent vraiment, c'est l'amour du cinéma dans toute l'équipe de programmation. ce monde-là sont comme vous, sont comme moi. Ils veulent voir un film. Oui, des fois, c'est bon de se poser des questions et d'être devant un film d'auteur, mais ils veulent beaucoup se divertir. Le festival Fantasia, allez pas penser que c'est juste du cinéma où ce qu'on veut s'arracher les cheveux puis on veut expliquer la vie comme le faisait dans la Nouvelle Vague française en tournant une caméra autour d'une table en fumant une cigarette en noir et blanc. Là, ce n'est pas ça. Okay? Il y a beaucoup de il y a beaucoup de films divertissants. Mais c'était excellent qu'est-ce que tu viens de faire là. Tellement là. Puis comme fan de cinéma, comme fan qui a trippé avec des gens qui trippent cinéma, comme fan de cinéma qui a jamais été à l'école pour le cinéma mais qui a parlé avec des gens qui sont allés à l'école pour le cinéma, qu'est-ce que tu viens de dire? C'était des affaires excellentes. En tout cas. C'était pas dans Family Guy, t'avais une scène où il faisait comme un faux film, t'avais un clown qui flippait une crêpe en noir et blanc pendant qu'une fille pleurait en dessous de la table. Oui, exactement. Oh wow. Excuse. J'ai complètement dérapé. Moi, je veux juste faire une parenthèse avec ce qu'André a dit. S'il y a du monde qui ont vu le Family Guide la semaine passée, l'épisode au complet était une pièce de théâtre. Oh boy. Que, non, c'était pas, excuse, pas Family Guy, c'était American Dad. J'ai mélangé les deux, mais l'épisode commençait avec une foule, puis c'était. Un musical. C'était comment qu'il s'appelle? J'ai de la niaiseur d'oublier son nom. Mais non, le gars Seth qu'on a McFarlane. Vu à Comic Con de Star Trek, là, que il y a pas de cheveux. Will Wheaton? Non. Jordy LaForge? LeVar Burton? Non, le capitaine pas de cheveux. Ah, Jean-Luc Picard. Patrick Stewart. Ben ouais, c'était okay. Patrick Stewart qui était intégré dans le cartoon comme s'il était au balcon. Puis c'est lui qui il nous accueillait en revenant des pauses. Puis il disait, bon, là, on va voir la deuxième acte. C'était-tu vraiment lui qui faisait sa propre voix? C'était lui. C'était pas un cartoon. Ah, c'était lui? Lui en humain intégré dans le cartoon. Ah, je l'écoute, ça. Puis c'était l'épisode de dimanche passé. Puis c'était tout le long, t'as le rideau, t'as une foule. Tu t'écoutes l'épisode à la TV, mais t'as une foule. Puis tu vois les gars qui, comme. Les gars dans la foule qui font des pis. Tu sais, genre, ils se parlent. Puis comme, hey, c'est de la merde. Ils disent des commentaires. Puis t'es tous sur un stage. Il y a une grosse histoire là-dedans. En tout cas, c'est. Shout out à American Dad pour leur originalité dans le film. 1996, film de kung-fu dérivé du cinéma. Absolument. Et évidemment, le nom de Fantasia, il y a le mot Asie dedans. Alors, il y a beaucoup de monde qui se disent, est-ce que c'est seulement du cinéma asiatique? Je vous dirais que dans les premières années, c'était pas exclusivement, mais je vous dirais que 80-85% étaient fantastiques. Au fil des années. Y a-tu juste du live action? Il y a de l'animé, du ça. Documentaire. Mais c'était, au début, il y avait-tu juste du live action? Non plus, non, non plus. Okay. Perfect Blue, qui est un, je pense, des films d'animation les plus primés sur la planète, était dans les toutes premières éditions de Fantasia. Mais petit à petit, ça l'a vraiment ouvert les portes. On peut juste penser à 1998, G.C., non pas Jésus-Christ, mais John Carpenter, était venu présenter son Vampires. Le film était Vampire 2000 là ou ben c'est Vampire. C'était pas Vampire. Ça le film qui avait une explosion avec un gars qui marchait sans le regarder là. C'était excellent avec James Woods. C'était hein? James Woods. Ouais. Moi, excellent. Moi j'ai adoré. J'ai adoré ce film là. Il y avait même un des Baldwin. Si je me trompe pas, c'est Billy. Ouais. Billy, le meilleur Baldwin. Ah, honnêtement, y a-t-il un film à Hollywood qui a pas un Baldwin dedans? Non, des fois. Quelques uns. C'est rare. Mais Fantasia avait eu la première, je sais pas si c'était mondiale ou nord-américaine, mais je me souviens que le film avait pris l'affiche en octobre et Fantasia, chaque année, c'est en plein mois de juillet. Alors, ça l'avait été gros. D'année après, en année, ça l'a juste augmenté. Écoutez, on pourrait parler des grands coups de Fantasia au fil des années pendant des heures et des heures. Nommons-en juste un. En 1997, Fantasia a présenté le film Fudo, The New Generation, de Takeshi Miike. Ça a été le premier festival de films ailleurs qu'au Japon ou en Amérique du Nord. Je pense que c'est en Amérique du Nord. Mais bref, la première place en Amérique du Nord à présenter un film de Takeshi Miike. Jamais ça avait été présenté sur des écrans de notre côté du continent. Et ça, c'est Fantasia qui l'a fait. Depuis ce temps-là, Fantasia a joué, je pense, au moins. Mais ils ont eu plusieurs primeurs depuis. À chaque édition, il y a au moins un film de Takeshi. Bon, on en reparlera tantôt. Le film d'ouverture de cette année l'est encore. Ouais. Mais alors, ça l'a augmenté. Est arrivé l'année 2002, qui pour moi et plusieurs cinéphiles a été extrêmement difficile. Avec des problèmes du cinéma impérial au printemps, Fantasia n'a pas eu le temps de se revirer sur un 30 sous et l'édition a été annulée. Alors, il n'y a pas eu de Fantasia en 2002 et ils sont revenus plus fort que jamais en 2003 à l'Université Concordia. J'ai en fait une anecdote à ce que tu viens de dire. Je t'en prie. Moi, Fantasia, pour moi, c'était vu de l'extérieur comme un festival avec bien des films cool qu'il n'y avait pas à Ottawa ou à Sturgeon Falls en Ontario. Puis quand je suis arrivé à Montréal, la première question que j'avais arrivée, parce que j'ai déménagé, il était juillet 2002, j'avais posé la question Fantasia, il y a un Fantasia. Puis je me rappelle, j'avais posé la question à une connaissance que je connaissais en arrivant à Montréal. Il dit que c'était cancellé. Est-ce qu'il y a bien des gens qui pensaient que c'était cancellé en 2002 ou... Je pense que ça avait été presque annoncé 2-3 mois seulement avant festival. Ça avait vraiment été presque un dernière minute. Puis ce qu'il faut dire, c'est que Fantasia, à chaque année, a gagné plus en popularité. Je viens d'aller vérifier sur leur page Wikipédia en même temps qu'on se parle, et ils ont vendu 45 000 billets en 1996, presque 50 000. Wow. Ils en ont vendu 90, presque 100 000 pour leur édition 2012. Ça l'a juste fait augmenter et augmenter et augmenter. Fait que pour 2002, ça a été extrêmement difficile. Surtout que toute la renommée internationale que s'était fondée Fantasia, est-ce que le festival allait pouvoir passer à travers une année où ce qu'il n'existait pas du tout? Et la réponse a été oh que oui. Parce qu'en 2003, ils ont quitté le cinéma impérial pour l'Université Concordia et le public est arrivé plus présent que jamais. Les premières mondiales sont arrivées en plus grand nombre. Le nombre d'invités a été décuplé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéastes qui ont entendu parler de Fantasia, qui se sont fait parler de la foule de Fantasia, on va en reparler dans pas long, et qui veulent amener leur film à Montréal, à Fantasia. C'est un honneur. Ben c'est alors, clair. C'est rendu très réputé. Là. Je n'entends parler souvent. Absolument. Absolument. Alors, est arrivé plusieurs années à Concordia. Beaucoup de bons films. L'Université Concordia est vraiment bonne pour Fantasia. La salle a un très, très bon système de son. Le stage, comment il est fait en avant, est parfait pour un Q&A, une séance de questions-réponses. Ouais. Et surtout, il y a un hall où ce que la personne peut aller... C'est rare qu'il y ait une représentation sans le cinéaste ou un acteur ou quelqu'un. Et il y a tout le temps du monde qui va le faire signer leur Blu-ray de telle copie. Qui ou leur support de Burnemic. J'ai une question. Hein? Wow! Wow, OK, ouais. Excusez-moi, je n'avais pas remarqué. Wow! Pour les gens qui nous écoutent en téléchargement, on a un support du film Birdemic qui était à Nick. Puis je me rappelle, il est revenu de ce film-là, puis fièrement avec son cintre. On prend une photo présentement, on va vous mettre ça sur le Facebook, vous allez pouvoir admirer. Par-dessus un vinyle des mini-pops. Vous allez pouvoir admirer justement un vestige signé, comme Mike le mentionnait, de Fantasia. Mike, absolument, non. Mais j'ai juste une question. Je suis très content de cette interruption. Je trouve que ce film-là, c'est le parfait exemple du film que tu écoutes chez vous, tout seul dans ton salon, puis tu fais comme c'est mauvais quand même. Mais à Fantasia, ça devient un événement, c'est drôle, oui. Le monde embarque, c'est cool, puis c'est ça. Absolument. C'est une petite parenthèse. Je t'en prie, Eric. Juste vite, comme ça, c'est parce que moi, à commencer à retriper geek les Comic-Con, quand tu vois je vais aller voir mon premier film avec un auteur, tout ça je trouve ça cool. Y a-t-il une ligne où ce que les gens posent des questions ou faut que tu arrives là puis ils signent? Comment ça marche ça un peu? Pour la séance de questions-réponses, c'est old school. C'est random. C'est random. Tu lèves ta main, t'es dans la salle. Toi, oui. OK, toi. Ah, merci. C'est vraiment, okay, vraiment, cool, vraiment des fun. Des fois, dépendant de la personne que tu pognes, c'est très drôle parce que comme moi, j'avais vu Yui Ball il y a une couple d'années. Puis justement, il y avait un gars qui était très insistant avec sa main levée pour une question. Puis il dit comme oui, toi. Puis le gars, il commence, il dit non, pas toi, l'autre gars en arrière. Puis il dit toi, assis-toi, je te pogne pas, tu chèques trop. Puis j'ai tellement trouvé drôle. C'est Yui Ball. C'est ça, ça fait avec le personnage. Ball, non, mais le gars, il le rit, mais il le rit comme tu sais, genre, je suis un grand fan, puis tu me shut down. Mais, cool. Il a sûrement parlé après. Une séance de questions-réponses, ça vaut la peine. Okay? C'est le fun. Si vous savez que le cinéaste est là, okay? Parce que tous les films à Fantasia sont présentés au début. Tous les films. Il y a un des programmateurs qui vient en avant, qui présente, okay? Et si la personne est là, il va avoir une séance de questions-réponses. Restez, c'est extrêmement intéressant, vous allez en apprendre beaucoup. Je dis bonjour à Michel Rochette en passant, on a déjà eu John Landis qui est venu il y a 2-3 ans et qui a fait un question-réponse de 85 minutes. La personne nous a raconté toutes les anecdotes possibles sur les American Werewolf, Blues Brothers, Animal House, nommez-les, Beverly Hills Cop. Ça avait été exceptionnel. On aurait pu l'écouter pendant toute la nuit. Et après son Q&A, il est resté jusqu'à 3h20 du matin pour signer et parler à chaque personnes qui sont venues le ça, voir. C'est écœurant, ça, les John Landis. Allez à un festival de Toronto, OK? Là, vous allez peut-être voir de l'autre bord de la rue Anne Hathaway puis George Clooney, puis vous allez pouvoir crier « Ah! » Ici, à Montréal, vous allez pouvoir aller parler à ce monde-là. Il vous encourage. Mais ouais, c'est pas George Clooney non plus qui va avoir d'habitude, là. Il y a ça, là. Ben, écoute, c'est vrai. On va parler tantôt des invités de cette année. Il y en a des vraiment, vraiment, vraiment pas pires. Parce même si tu vois Anne Hathaway ou George Clooney à Montréal, il y a des bonnes chances qu'ils te parlent pas pareil. Soit ça, ben que toi, tu vas arriver devant Anne Hathaway puis tu vas figer, tout simplement. Je sais même pas l'air de quoi de moi. Je vous ai aimé dans votre dernière vue, Madame Hathaway. Vous étiez une belle, Selena Kyle. À quoi qu'elle joue? Ah, c'était vrai, c'était Batman. Oui. Ah, c'est Catwoman. Ben, Catwoman, là, pour mais c'est que je pense que Catwoman n'est jamais mentionné dans Dark Knight Rises. Hein. Non, ben, Catwoman n'est jamais mentionné. C'est tout le temps Selena Kyle. Ben, shout ses lunettes, ils disent une autre histoire. Oh boy. Mais bon, pour bien finir sur l'historique, pour pas passer trop de temps, ça a été à Concordia pendant des années. Cette année, le festival est de retour à son premier cinéma. On est de retour au cinéma impérial pour cette année. Wow. Pour la grande raison est que les fans de Fantasia le clament et le répètent haut et fort, on est mal assis dans le hall de l'Université Concordia. Écoute, en fait, qui peut le confirmer? Film, je te le confirme. Merci, André. C'est surtout l'année passée, le double feature New Kids Nitro et Turbo, là. J'ai un mal au pèteux après. Ouais, c'est 4 heures assis dans la salle. Moi, je vais faire l'avocat du diable en disant que assis-toi n'importe où pendant 4 heures, même si c'est très confortable comme divan. Moi, faut que je me lève un moment donné. Comme un maître franc, après 4 heures. Tu te lèves après un film, tu vas prendre un break. Il y avait eu un break entre les deux films, je pense. Mais honnêtement, t'es mal assis là-bas. Eh bien, Fantasia sera évidemment de retour en 2014 pour sa 18e édition en juillet, les dates restent à confirmer, et ce sera de retour au Hall Concordia. Le Hall Concordia va être rénové chaque siège maintenant. Là, c'est où cette année, c'est-tu là? Cette année, on est de retour au cinéma impérial. Ce qui est le fun de l'impérial, c'est que... J'allais à l'impérial dans le temps, juste avant que ça arrête, que là, j'avais l'autre place dans la tête encore. Ce qui est le fun de l'impérial, c'est qu'on va être bien assis. Parfait. Mais le stage est comme élevé, qui pour un Q&A enlève, je pense, un petit peu son côté intimité. Ouais. Merci. Le fait du 2 étages, je ne sais pas si l'ambiance va être aussi bonne avec les cris de la foule. On va en reparler dans pas longtemps. Comment est une foule à Fantasia? Mais le pire, vraiment, je pense, va être pour quand on veut faire signer quelque chose, il n'y a pas de place dans le hall de l'Impérial. Mais on en reparlera. Donc, ça, c'est un peu pour l'histoire du cinéma Fantasia, mais pourquoi aller à Fantasia? Exactement. C'est pour vivre une ambiance. Quand on va au cinéma normal, qu'on s'en va voir Die Hard, Man of Steel ou n'importe quoi, c'est le fun, on est dans une salle et tout, sauf que le monde rit au moment comique et tout. À Fantasia, dans un respect assez incroyable, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que mais à Fantasia, ça va crier sans arrêt et on n'entendra rien. C'est absolument pas vrai. Le monde respecte l'intrigue du film et va se taire quand ça va être important. Mais si prenons, moi là, le meilleur exemple que j'aime donner, je reviens sur Bon Cop, Bad Cop. Okay, Patrick Huard, après le film, était monté sa scène et avait dit, je suis pas sûr que c'est un spoiler de dire que le méchant à la fin de Bon Cop, Bad Cop explose, là, ça fait bientôt 10 ans. Il était monté, il nous avait dit « Vous avez applaudi et crié comme des malades quand le méchant a explosé. J'avais jamais vu ça avant. » Le monde lâche leur fou à Fantasia. Ce qui était lui dans le dernier 10 ans. Si le monde sont contents de la scène qu'ils viennent de voir, ils vont applaudir. Ouais. Le monde se range derrière des personnages. C'est littéralement presque un rock show aller voir un film à Fantasia. Mais ne pensez pas que ça va juste être du monde qui vont crier sans arrêt. Vous allez être respecté. Ça crie au bon moment. Puis exactement. Justement, toi, tu ne gênes pas pour crier. Une anecdote que je peux raconter. Je suis allé voir un film au cinéma. Je me souviens plus c'était quoi. Je pense que c'était Wolfman, le dernier film avec Benicio del Toro. Puis à un moment donné, il y a une scène de quelqu'un qui se fait arracher la tête. Puis moi, j'ai comme fait « Ouais! » Puis il y a vraiment quelqu'un dans la salle qui m'a dit « Hey, on n'est pas à Fantasia ici. » C'est effectivement le meilleur exemple. Mais ce que j'aime bien aussi, tu faisais le parallèle avec un rock show. T'sais, moi, les premières expériences de Fantasia que j'ai, c'est je pars avec Nick, Puis là, on arrive pour aller se mettre dans le line-up. Puis là, Nick, il dit « Wow, t'as peur. On va arrêter s'acheter des bières au dépanneur. » Fait qu'on a des bières dans des sacs en papier. On est dans le line-up. Ouais, parce que le line-up, moi, je trouve qu'aussi... C'est une ambiance. Moi, j'aime ça arriver tôt, dans la... comme 2 heures d'avance. T'es dans le line-up, tu jases avec du monde. Tu bois une coupe de bière dans le line-up. Puis, je sais pas, je trouve ça le fun. C'est pas d'arriver, dernière minute, rentrer dans la salle. C'est le fun, l'attente. T'sais, comme être fébrile puis avoir hâte de rentrer, je trouve ça cool. T'sais. Quand on va attendre pour un Man of Steel, on est dans un goudzo puis personne ne se parle. À moins que tu aies avec la personne, personne ne se parle. Oh. À Fantasia, c'est tous des amis. Dans j'allais le voir, line-up... Souvent, j'allais voir des films tout seul à Fantasia. Tu peux aller voir un film tout seul. Je ramasse toujours avec du monde. Pis... Tout à fait. Tu vas être dans des bonnes conversations. Et autant le avant qu'après, tu sais, c'est que des fois, tu finis le film, tu rencontres du monde, ils ont crié à côté de toi puis tu as eu un moment de connivence pendant le film. C'est comme... Oh, ça va te le prendre à telle place prendre une bière, venez-vous. Oh, ouais, pas de trouble. Ça va prendre une bière. Tu rencontres du monde, puis c'est un phénomène de tripper. Tu sais, c'est vraiment, regarde, t'arrives là-bas. Moi, je m'en rappelle quand on est allé voir Bad Biology, je pense. Ouais. C'était mon gars. J'étais allé voir un film à propos. Ben, j'en avais parlé dans un autre épisode du podcast à propos d'une bite tueuse et d'une femme avec une vulve avec tueuse. Avec sept clitoris. Puis, tu sais, d'un, t'écoutes ça sur Fred Sec de même sur le podcast, tu dis wow, ok, c'est plate. Non, c'était cool. C'était vraiment bizarre. On a eu un Q&A en plus avec la personne. Ouais. C'était vraiment le fun. Puis dans le line-up, justement, genre ça a du monde de n'importe où, n'importe qui. Puis personne juge, tout le monde est à l'aise, tout le monde trippe. Puis comme tu dis, il y a comme un. Puis c'est dur d'écrire ce respect-là qu'il y a dans la salle parce que c'est vraiment, c'est une ambiance. Puis tu sais, quand toi, tu te fais crier au cinéma, tu sais, Nick, hey, écoute, on n'est pas à Fantasia ici, là. C'est réputé pour ça. C'est une place où, regarde, tout le monde a du fun, tout le monde est vraiment respectueux, puis c'est cool comme ambiance, parce que t'écoutes des films qui sortent vraiment de l'ordinaire. Tu sais, puis je suis allé voir Wrong l'année passée. C'était l'année passée ou il y a 2 ans? Je pense que c'est l'année passée. C'était l'année passée du réalisateur de Rubber. Ouais, exactement. Puis, tu sais, là, j'ai vu les trailers de son prochain film, ça a l'air excellent aussi. Mais tu sais, c'est le genre de film que... My God, ça passerait pas au cinéma conventionnel. Puis c'est pas le genre d'affaire que tu tripes, ça. C'est là le terme cinéma de genre en exactement. Que tu verras pas ça au Goudzo, ni au Banque Scotia, mais à Fantasia, c'est le genre de au film. Au Goudzo, shout out au magicien. Le magicien. Goudzo Magic, là, puis ta carte de Parasuco, shout out, mon homme, c'est vraiment hot, là. C'est beau. Juste une question comme ça, par exemple, puisque je suis le noob un peu de Fantasia, de l'expérience. J'ai vu 2-3 films depuis que j'étais à Montréal, mais je connais pas l'expérience à la profondeur. Vous parlez d'une expérience de film, quand tu vois un film, ça ressemble-tu beaucoup à les premières de films? Parce que au cinéma, tu pognes ça souvent à des premières. Comme moi, je veux dire, j'ai vu des moments weird comme Star Trek 5 au cinéma, Star Trek 4 au cinéma, Next Generation, le Star Trek Generation de première soirée. Star Trek? Non, mais je fais juste monter. J'ai même Ghostbusters 2. Je me rappelle Ghostbusters 2, j'ai vu la première quand j'étais kid. Puis je vais toujours m'en rappeler être dans un cinéma de genre 800 personnes, dans un vieux cinéma à Ottawa qui pour moi avait de l'air énorme à cause de mon âge, mais juste me rappeler de le monde qui crie puis qui tape les mains la minute que le logo de Ghostbusters apparaît. Scott Pilgrim versus the World en première. Mais ben, tu vois, ça, moi c'est j'ai. Intense, mais dis-tu quoi, j'ai vu mais ça. Mais tu n'étais pas à la représentation de Fantasia, André. Mais c'est ça, Fantasia, c'est plus comme une expérience. On s'en reparle première. Dans 2 minutes. Mais la question est, c'est-tu comme une expérience première là, quand tu vas faire Fantasia? Écoute, je te dirais, ok, que une expérience première. Si tu veux, fais fois au moins 10 000, 20 000, puis tu as une expérience Fantasia. OK, good. Vendu, c'est la réponse que je cherchais, parce que, comme je te dis, j'étais un peu un noob de le vivre, puis j'ai hâte de voir les reviews. Peux-tu faire une comparaison? Peut-être je me trompe, mais moi, je vois ça de même. T'as-tu déjà vu The Rocky Horror Picture Show à l'Halloween? Sais-tu quoi, je l'ai Rialto. Vu dans une cave avec une fille que j'essayais de baiser puis que ça n'a pas marché. Ok, ouais. C'était bien cool. Mais désolé, babe, si t'es rendu loin dans ce podcast-là pour me donner de la peur. On peut te faire un shout-out, toi. Non. Mais tout ça pour dire que. Quand tu vas le voir au cinéma à l'Halloween puis le monde sont déguisés, même si t'es un ouais, film j'aimerais de plus ça, de 20 ouais. ans hey, puis qu'ils connaissent les répliques. Mais toi, l'a fait. T'étais-tu déguisé, toi, pour le Rocky Horror Picture Show? Non. Moi, j'étais allé le vivre de même. T'avais pas mis tes fishnets. Mes fishnets avec des talons. Mais non, ça, j'ai garde pour le samedi. Pas pour quand je vais voir Rocky Horror Picture Show. J'ai pas mangé chez Derrick. Mais non, mais la première fois que je suis allé, je m'étais fait donner, je me souviens même plus quoi. Puis c'est comme pitch ça quand je vais te le dire. Ok. Première fois que je vois le film avec une de mes amies du cégep dans le temps. Puis... J'ai même pas vu ça. C'est encore. Une fille que c'est de ça va arriver. Non, un c'était jour. Une un amie jour. De la radio un étudiante. Jour. Mais là, y a-tu des trucs, y a-tu des affaires qu'il faut savoir? Mettons, on s'en va écouter Fantasia. Ben, on s'en va écouter Fantasia. Premièrement, Là, il y a eu la conférence de presse cette semaine, en fait, hier, que t'as aimablement apporté Eric avec toi pour que vous puissiez assister à ça. Premièrement, eux autres, ils annoncent le line-up. Donc, ils disent, cette année, il va y avoir tel film, des choses comme ça. Puis, il y a des événements associés à Fantasia aussi. Absolument. C'est pas juste des films. Cool. Absolument. Puis, c'est quoi les genres d'événements qui peuvent être associés à ça? Ben, écoutez, il y en a un qui va être extrêmement populaire cette année. Le cinéaste Bryan Singer est à Montréal en ce moment. C'est quoi qu'il a fait, lui? Bien vite de même. Bien vite de même, lui a été découvert avec The Usual Suspects, un des suspens les plus. Superman Returns. Les plus je connais le nom, puis il fait, moi les noms. Mais il a fait X-Men et X-Men 2. Okay, et c'est sûr. Lui qui est en train en ce moment de tourner à Montréal X-Men Days of the Future Past, la suite de First Class. Et il va venir faire une conférence où ce qu'il va parler de sa carrière, de comment qu'il voit le travail à Hollywood. Et paraîtrait-il qu'on aurait la chance de voir les premiers extraits, peut-être un petit une ou deux minutes de Days of Future Past, qui ne sera pas disponible sur Internet avant un bon bout. On est supposé avoir une première. Mais voici le genre de conférence. Une autre conférence qui sera animée par Marc Lamothe, qui est un des directeurs de Fantasia, une personne sensationnelle. Il va animer une conférence de presse à la Cinémathèque québécoise avec Pods, le célèbre cinéaste québécois. Mon préféré. Le sujet va être les plans séquences. Je ne sais pas si vous avez écouté la saison 2 de 19-2 où ce que le premier épisode se passait dans une école avec une tuerie. Ces plans séquences sont quand même. Il a fait un plan séquence de 13 minutes et paraîtrait-il que son prochain projet serait un long plan séquence. Bref, il va venir parler de tout ça. C'est pas un heure, une heure et demie ou quelque chose comme ça. Un épisode d'une heure. Exactement. Plan séquence, il y en avait un, là, on s'entend dans Old Boy. Avec le marteau, là. Je pense que c'est presque le plus... Okay. Ça, c'est mon apogée. Table ronde, longue séquence. C'est quoi, Men, là, avec Clive Owen? Là, Children of Men. Children of Men, très, très bien réussi. Ouais, Hung Back, ou la suite de Hung Back. Ouais, ben, The Protector. Ouais, The Protector. Oui. Ouais, mon éléphant! Il pète des gueules pendant je sais pas combien de temps. La Matrice 1. Les 15 premières minutes du film. C'est une longue séquence. Oui, c'est un plan séquence. Je l'ai étudié au cégep en année. Mais je ne savais même pas. C'est intense, ça, pareil. C'est 15 minutes, la Matrice 1, le plan séquence. C'est un long plan séquence dans Léolo. On vient vraiment sur Léolo, là. Hey, faut que je dise que j'étais là à la conférence de presse avec Mike et il y avait des références Léolo en pleine conférence de presse. Quoi, y avait-tu une bonne femme qui tombait sur des tomates? Martin, Mike peut le dire parce que j'étais tout perdu là-dessus. Mais il y avait des références le haut, puis je comprenais pas de vous ce qui se sortait. Dans notre dernière partie, on va parler de la programmation de cette année. Puis il y a 6 films québécois, dont un qui a été appelé le Léolo 2013. C'est ça. Oh, c'est ça qui s'est. C'est ça qui est joyeux. Est-ce qu'il y a de la sodomie de félin? T'es pas obligé de répondre, Mike, mais je vais confirmer en fait. C'est avec tes blogs que t'as peut-être t'aurais vu un trailer. Que... Parce que c'est un des points marquants de Léolo 1, tu sais. Milter. Non, mais. Il va falloir que je te revienne là-dessus, Milter. Parce qu'on s'entend que. Ce qu'on se souvient de Léolo, c'est quand il baise le chat puis quand il baise le foie. Le steak, le chat, il parle monsieur. Ok, guys, on a déjà fait un épisode où on parle de Léolo. On va boucler la boucle puis on va revenir à Fantasia. Qu'est-ce que les événements, là? On parle des événements. Donc, on parlait des événements. Je pense qu'il n'y a pas des soirées aussi avec des DJ ou des affaires de même, puis aux catacombes. En partant, il y a le DJ XL5, qui ça est un classique de Fantasia, qui ça sont des... si vous avez la chance d'aller voir ça, c'est vraiment une expérience. C'est lui qui fait les montages? C'est Marc Lamothe qui fait lui-même. Total Crap. Ouais. Il y a eu une année un DJ XL5 versus Total Crap qui avait été extraordinaire. Et... tantôt, faites-moi penser qu'il faut que je vous parle de Daniel. Okay, là, Daniel a déjà, pendant un DJ XL5, demandé sa future femme en mariage. C'était c'était sensationnel. Oui, elle a dit oui. Ouais, mais qui voudrait pas épouser Daniel? On reparlera de Daniel tantôt, ça vaut la peine. Il y a pas aussi des événements que moi, j'ai vu les événements à l'extérieur. Puis un qui m'avait marqué, il y a Goldorak et le cinéma dans le parc de la paix qui sont hot. Mais j'avais aimé l'annonce de Thibodeau qui était pour jouer du piano live pendant des vieux films de Charlie Chaplin. Ça, c'est cool. Effectivement, Fantasia, là, peut-être, je pense, 3 ans, avait présenté Metropolis de Fritz Lang à la Place des Arts, dans la très grande salle de la Place des Arts, avec un orchestre. Pour ceux qui ne savent pas, Metropolis est un film muet. Alors, l'orchestre jouait en même temps que le film était présenté. L'année d'après, dans la plus petite salle de la Place des Arts, mais qui est quand même un bon 1200 places, la salle Wilfred Pelletier, ça a été le Fantôme de l'Opéra. Pour une troisième année, ça va revenir... Sauf que ce ne sera pas pendant Fantasia. Ça va être présenté pendant Fantasia, mais ça va être, je pense, si ma mémoire est bonne, en octobre. Ah, OK. Cet automne. Mais c'est ça, c'est comme et ça un, va être Nosferatu. Festival. Ça va être Nosferatu, un autre film muet où ce qu'il va y avoir ce qu'il va y avoir un orchestre qui joue pendant le film. Il va avoir de la pub, OK? On va en reparler sur le Geek Collectif et compagnie. Ça vaut tellement la peine d'aller voir ça. C'est une expérience sensationnelle. C'est sûr, c'est hot. V'là deux ans, je suis allé voir aussi, il y avait eu une pièce de théâtre avec Jeffrey Combs qui jouait Edgar Allan Poe. Oui. Écoute, il y en a une basée cette année, une pièce de théâtre sur une œuvre de Clive Barker. C'est ça, j'ai vu ça. Wow. Qui sera, vous allez pouvoir le voir dans le guide, on va reparler des guides tantôt. C'est, il y a beaucoup de conférences, d'événements comme ça qui ajoutent à Fantasia, en plus des 120 films qui sont présentés. Pour les fans, c'est vraiment cool. Je pense qu'il est intéressant aussi cette année, c'est que je suis allé voir, puis il y a un tout nouveau... Ben, de ce que j'ai pu comprendre de la page Facebook, c'est un tout nouveau site web qu'ils ont designé pour Fantasia. Ouais. Puis à ce moment-là, moi, je suis allé le voir, puis c'est vraiment intuitif. On peut voir les par calendrier les titres, les événements, les films qui se déroulent. On peut voir un extrait. Quels films vont être complets, parce que... Ça, c'est devient, très rapide. Ça devient complet très, très vite. Là. Tantôt, on va parler de This World... The World's End, le nouveau film de réalisateur de Shaun of the Dead. Là. Faut que j'aie des billets, sinon je vais m'en vouloir. Si vous voulez aller voir ça à Fantasia, les billets sont en vente, je pense, mardi prochain. Là, donc le lendemain du podcast. Est-ce que tu as des avis pour comment acheter des billets comme ça? Admission. Mais tu croises tes doigts quand ils sortent. Tu logues, puis tu trouves un chef, puis tu pognes comme 4-5 personnes ensemble. C'est comme un show. C'est comme Guns N' Roses au Metropolis. Exactement. Ce qui est intéressant en plus, ce que j'ai vu, c'était une fonctionnalité, c'est que chaque film, quand on clique dessus, on a la fiche signalétique, les choses comme ça. On a soit un extrait ou une bande-annonce, mais en plus, il y a la possibilité de se créer un horaire dans notre Google Calendar, le iCalendar, ou peu importe. Donc, on clique, puis ça nous ajoute un event préfait pour la représentation de ce film-là. J'ai déjà fait ma liste, j'ai commencé à regarder, puis j'invite les gens d'aller le faire justement. Vous allez voir Yann le Fillon site web, puis c'est incroyable. Yann Fillon, vu que ça supporte Google, il va capoter. C'est comme ça qu'il est en charge de notre page Google Plus. On a une page Google Plus. Utiliser son horaire par Google Plus. Mais c'est incroyable, puis j'ai aimé ce site-là justement parce que j'ai commencé à les furter. Puis il y a aussi la possibilité, ils ont un guide qu'on a avec nous ce soir. C'est un guide quand même complet et incroyable. J'ai jamais vu des guides de, comme ça. D'un, c'est de 200 cm d'épais. Là. Quasiment. 368 pages. Hey, c'est il y a des malade. Articles, il y a des descriptifs, il y a un paquet de trucs. Il y a beaucoup de festivals de films à Montréal où que le guide est un espèce de papier journal qui est donné, que vous vous débarrassez. Oh. Le guide Fantasia, on les collectionne et on les garde. Il y a des textes à chaque film. J'ai eu la chance d'en écrire un cette année sur un film coréen. Il y a de la pub, beaucoup dedans. Il y a de l'information. Et il y a un journal à l'intérieur. À collectionner. Il y a un petit journal à l'intérieur pour l'horaire, oui. Bilingue aussi. Il est bilingue, effectivement. Et une autre chose qui est donnée, c'est un CD avec toutes les bandes-annonces de films. Et pas de corriger, mais t'es ce Geek Collectif, un DVD. C'est vrai. C'est vrai. Un Betamax. My bad. Incluant. Et un vidéo CD. CD-ROM vidéo. Je pense qu'il y a quoi 100 bandes annonces. Man, écoute, Eric, t'es écouté hier. Là, puis avec une coupe c'est de un bon 3 heures. Là, c'était malade. C'est un bon 3 heures, mais ça va pouvoir vous donner puis une je dois dire de, que dans l'équipe de Monty Vidéo, je pense qu'ils ont planifié un peu le fait que t'écoutais plein de bandes annonces. Parce qu'il y en a qui se répètent, mais des différentes bandes annonces de les mêmes films. Puis ça, je trouvais ça spécial. Ils ont plusieurs codes différents. Ouais, en c'est ça, toutes les versions. Ce guide-là, on peut se le procurer où présentement? Sur le site de Fantasia, vous allez avoir tous les points de vente, sauf que, allez, plugons-le, OK? Les Superclubs Vidéotron Répertoire de Montréal et les Archambault les vendent, OK? C'est un 5$. Il y a beaucoup de monde qui se demande pourquoi vendre un guide comme ça, OK? Sauf que croyez-moi, quand vous allez l'avoir sous les mains, là, c'est de la lecture, c'est de la lecture que vous allez faire là, même des années après, quand vous allez y repenser. C'est un bon souvenir aussi. Là. Tout à fait. C'est films, vraiment un 5$ qui vaut la peine. On a la chance d'aller voir tous les films, naturellement. Il y en a plus de 120, c'est sûr que non. Tu regardes, tu fais comme, ah oui, ce film-là, ça avait l'air cool. Puis là, tu peux essayer de le trouver, whatever, où, mais... Tu te promènes sur Netflix, OK? Là, tu vas avoir 4-5 lignes avec une cote de 2,5. Tu t'en vas voir sur Fantasia, puis quand Mitch Davis a écrit son texte, ça te le vend d'une façon que tu veux absolument le voir. Alors, ce guide-là, okay, là, on vous le conseille dans les Super Clubs Vidéotron Répertoire de Montréal et les Archambault, surtout celui à Berry, tout rénové, je pense, depuis très longtemps. Là. Allez faire un tour, allez vous le chercher, ils sont disponibles. On est lundi que ça présentait. C'est à partir de maintenant. Lundi. Dès maintenant, oui, effectivement. C'est bizarre, hein, un peu, on enregistre avance. Puis, des fois, je check les vieux, justement, de Fantasia. D'habitude, je me le pogne à chaque année. Là. Puis, quand j'y check après sur Netflix, là, j'en pogne plein. À cette heure, justement, à cause de ça, puis ces choix de films-là, Netflix me suggère une catégorie genre Asian Crime Gore Movies. Puis, je suis comme, wow, c'est-tu pas assez spécifique pour moi? Absolument. Genre? Fait que là, tous les films que je clique qui sont là, mais c'est tous des films du genre fait de même. Que... Puis après, je vois, hey, ils ont passé à Fantasia. Puis tout à fait. Des Asiatiques donc, criminels qui se tuent. Puis donc, avant de parler de la programmation de cette 17e édition-là, okay, j'ai juste envie de prendre un petit 5-10 minutes. Là, joignez-vous à moi. 5-10 minutes, ça coûte cher. Ça coûte cher, hein? Moi, je vais t'inviter plus souvent parce que tu fais une bonne job en tant que leader. Moi, je peux juste comme prendre du recul, 20e épisode, garde-toi. Tu sais, c'est... Mais il y a des films qu'on a vus à Fantasia, OK, que c'était la place pour les voir, wow, et que ça a été la meilleure représentation. Okay, je vais commencer, t'en as parlé tantôt, André, là, de Scott Pilgrim versus The World. Wow. Écoutez, si vous êtes sur Geek Collect... la première de ça? Moi, j'étais pas là. Moi, j'étais à la première présentée par Chaume FM. Qui était au Paramount. En fait, au AMC. Au AMC. Le crowd était bien, mais je suis sûr que c'était meilleur de ton bord. Ben oui, moi, de mon côté, j'étais avec de mes amis. Christian, bienvenue. Shout-out à Christian. Il était présent aussi. Il pourrait vous le confirmer aussi. Écoutez, premièrement, si vous êtes sur Geek Collectif, c'est que vous avez vu Scott Pilgrim. Si vous n'avez pas vu Scott Pilgrim, wake the fuck up. Allez vous acheter un Blu-ray live, là, si c'est comme c'est un crime contre l'humanité, là. Quand ça commence, au début, on a le logo d'Universal, et le logo d'Universal est fait à la façon Nintendo avec le bruit et la musique de Nintendo. Puis... la salle de Fantasia, là, je pensais que le toit allait tomber. Littéralement. Ça l'a crié, mais crié, et on était seulement au logo. Alors, plus le film a avancé, OK, et à chaque fois qu'il battait un des Evil Exes... chaque fois qu'il ramassait du change... Là, à chaque fois qu'il ramassait du change, OK, quand on parlait d'un rock opera tantôt, là, c'était vraiment le meilleur exemple. Dans mes très bons films que j'ai vus, moi, je suis un très, très, très grand fan du cinéma de Sion Sono, qui est un réalisateur asiatique qui fait du cinéma qui n'est pas descriptible, qui est des fois un peu, on peut dire sick, politically incorrect, mais qui est un cinéma que je remarque d'une façon parfaite. Beaucoup de ses films ont été présentés là-bas. Hazard, Love Exposure, j'ai dans tête The Woman, sauf que ça c'est de Lucky Mickey, je me suis... Cold Fish qui était très très bon. Il n'y a pas grand monde qui vont t'astiner aujourd'hui. Sûrement Mike, pas. Tu peux te gâter. Et cette année, le tout dernier film, parce que le film de fermeture, on en reparle tantôt, mais le film de fermeture officiel est le 6 août, et il y a un film, le 7 août, à 21h, et c'est Bad Film, c'est Sion Sono qui le présente. Écoutez, on pourrait parler de films que j'ai vus à Fantasia pendant des heures et des heures et des heures, alors... Commençons. Vas-y, mon Nick. Je te passe la parole, Nick, si tu veux en nommer un ou deux. Ben, je vais nommer probablement le premier film que j'ai vu à Fantasia, c'était en 97, je crois. C'était deuxième année. Troméo et Juliette. Trauma. Qui est comme. Moi, je suis un fan de Trauma, les films de Toxic Avenger, tout ça. Puis Roméo et Juliette, c'est une version de Roméo et Juliette assez trash. Puis. Écoute, est-ce que tu me permets de répéter tout de suite? Lloyd Kaufman vient présenter en première mondiale cette année. Class de... of New Kamai. Volume 1. Paraîtrait-il que c'est tellement gros qu'il va en faire deux volumes? Il sera là en personne. The Genius of Trauma. Petite parenthèse, je t'en prie, continue. Mais écoute, Roméo et Juliette, c'est comme, je sais pas si d'autres. Toi, tu l'as vu, peut-être personne d'autre. Je l'ai chez nous en DVD. Écoute, ce film-là, c'est complètement sauté. Là. C'est la meilleure version de Roméo et Juliette que j'ai vue de ma vie. Écoute, à un moment donné, il y a comme un. Le méchant se baisse à bas même celle de Leonardo DiCaprio. Son pénis, c'est comme un gros monstre qui me faisait penser un peu à Tremors. Ouais. Puis non, c'est pas Kevin Bacon qui sort des shorts, mais. Mais j'ai vraiment trippé, mais c'est. Tu sais, justement, c'est des films de genre. Si t'aimes ce genre de film-là, moi j'ai trippé. Sinon, écoute, New Kids Nitro l'année passée, c'était le programme double. J'ai ri, là, c'est vraiment comme wow. C'était incroyable, ça, honnêtement. J'ai vu Ichi the Killer, Takeshi Miike. Takeshi Miike, classique. Je pourrais peut-être dire en quelle année, là, je veux dire, je me... Ah, c'est dans les premières années, ça. C'est les premières... Ben, ouais. Ichi the Killer, je pense, c'est quoi, 99-2000? Ouais, à peu près. J'ai acheté le Blu-ray il y a un mois, j'avais déjà le DVD de ça, mais j'ai acheté le Blu-ray à 6$ chez Best Buy, pour je sais pas quelle raison. 6$? Bon deal, pour un Blu-ray? Ouais, Blu-ray en plus, il était comme là, nowhere, sur un bout de rangée, genre liquide-moi. Là. Ça, tu sais que c'était une commande spéciale. Je l'avais déjà en DVD, puis j'ai dit, ben, Blu-ray pour 6$, ça vaut la peine. Ben ouais. Fait que, Juste pendant que j'y pense, là, c'est ce que vous avez demandé quel film que j'ai vu à Fantasia, puis j'en ai vu un en fait que je me rappelle très bien. Puis c'était justement parce que vous parlez de G.D. Killer, c'était comme sa suite, c'était son deuxième film qu'il a apporté ici. Puis c'était un film très weird où ce que t'avais comme j'avais séquence Audition. Très fuckée. Audition. Ouais, c'était Audition. Ou Visitor Q. Mais celui... Un film fucké de Takashi Miike, tu peux en nommer une coupe. Quand ouais, mais, mais celui que je me rappelle vite, peut-être vous allez le trouver pour moi le titre, mais c'était... Il y avait des séquences... c'était couleur. Comme ça, chaque temps, il y avait des séquences en noir et blanc où ce que t'avais un japonais qui chantait du blues en japonais. Alors non, c'est pas Ichi the Killer, justement. Non. Mais c'était, moi je m'appelle juste From the People That Brought You to the Killer, j'étais allé voir Fantasia, ouais, puis wow. Celle-là, c'était un weird. Ben écoute, à la limite, 2004, 2005. Les gens sur Twitter, on vous invite à nous communiquer c'est quoi ce film-là pour les fanatiques du merci, film. Merci, oui. Aidez-nous parce que présentement on a un blanc. Non, mais justement, on regardait ça, je pense que j'étais avec toi, on regardait comme les films que Takashi Miike a fait dans la vie. Là. Je pense qu'en 30 ans, il a fait 80 films. Mais c'est ça, c'est vraiment impressionnant. 3, 4 ils sont pas tous venus ici, par exemple. Il y en a deux cette année présentées à Fantasia. Ouais, il y en a ouais, deux. Ouais. Alors, c'est une machine, ce tout gars-là. Tout à fait. Mais puisque tu parlais de Twitter, là, on invite le monde sur toutes les plateformes. Là, donnez-nous vos expériences Fantasia. C'est sûr que parmi vous, il y en a qui sont venus. Là. Donnez-nous quel film que vous avez vu. Okay? Je pourrais vous en nommer sans arrêt. Là, ben Cabin ouais. Fever, Inglorious Bastards. On l'a avec Inglorious Bastards en passant. C'est seulement un petit bijou de Quentin Tarantino. Eli Roth était venu à cette présentation. Okay? Puis, wow. je fais une parenthèse. En septembre dernier, j'étais à Toronto et j'ai vu Aftershock qui met en vedette Eli Roth. Et quand j'ai eu la chance d'aller parler avec Eli Roth et je lui avais dit que j'y avais fait signer quelque chose à la représentation de Inglourious Basterds à Fantasia, et il m'avait dit, sa réplique a été « That was a fucking great screening ». À peu près sur ce ton-là, ça, il s'en cool. souvenait et effectivement, la salle était... sensationnel. D'après ton expression, Rick, je pense que tu veux partager quelque chose avec que nous. Je niaisais, j'adore Tarantino et tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que t'aurais fait si ça aurait été Adam Sandler qui a eu le rôle comme c'était écrit pour lui? Parce que là, on parle d'Eli Roth, Eli Roth, mais man, moi, j'arrête pas de penser que c'était supposé. Ben, le pire, c'est que Sandler, il aurait quasiment fité, mais. Non, c'était écrit ça aurait fait pour weird. Sandler, man. C'était écrit pour Sandler, ce rôle-là. Mais ça aurait fait weird, mais je pense qu'il l'aurait eu. Ah, il l'aurait nailé. Eli Roth a fait un excellent Beer Jew. Oui, je suis d'accord, mais en tout cas. Moi, il y a un film que j'ai vu. Grown Ups 2, best Fantasia. Film de l'été, mais en tout cas. Moi, il y en a un que j'avais vu à Fantasia, mais en fait. Kevin James. New Kids Nitro, puis New Kids Turbo, c'était incroyable. Oh, ouais. Puis moi, mes expériences Fantasia sont quand même récentes. T'sais, j'ai vu Bad Biology, puis ça à partir de ce film-là, dans le fond. Mais A Fantastic Fear of Everything, avec Simon Pegg. Oui. Que. En tout cas, je veux pas spoiler le film, mais c'est un petit bout qui est sorti. Ça fait longtemps qu'il est sorti. Mais tu sais, le gars avec les genres de lunettes années 80, tu la quittes, rapiste, tu la quittes. Ce film-là, là, au début, j'étais vraiment pas sûr. Puis à un moment donné, ça embarque l'absurde, puis la crowd a embarqué. Puis je pense qu'il y a eu un moment où tout le monde dans la salle, on a fait comme « Ah ouais, là, ça embarque ». Puis tout le monde partage un quelque chose, puis c'était incroyable, c'était super drôle. Ce film-là, moi, j'invite le monde à regarder ça. J'ai trouvé c'était ça vraiment c'est hot. C'est passé comme. Ça a passé sous le radar. Malheureusement. Puis c'est de valeur, là. C'est comme. Tu sais, moi, je suis un fan de Simon Pegg. Je suis rendu à Simon Pegg, je le trouve drôle, puis. Sauf que. Tu sais, c'est un bon acteur pareil, là. Puis dans ce film-là, il est tout seul ou presque, là. Il n'y a pas tant d'acteurs que ça dans ce film-là. C'est vraiment une performance de acting. T'aimes-tu Mission Impossible avec Simon Pegg? Ouais, c'est vrai, il jouait dans le Star Trek. C'était quoi la télésérie dans Star Trek 2? J'ai Star Trek, mais j'ai écouté Star Trek parce que Simon Pegg joue dans la curiosité. Rick l'a spoilé, mais c'était quoi la télésérie quand il déboule les escaliers, man? C'est Hippies. Dans Hippies, t'as une scène où Simon Pegg déboule des marches. Mais tu sais, c'est de l'humour britannique non-stop. Tu sais, c'est comme du stop motion, des mêmes escaliers. Il déboule des marches pendant comme une minute, puis il déboule, puis il déboule. Puis tout ça, parce qu'il y a une... C'est quoi, la fille, elle gifle ou quelque chose dans la parce qu'il arrête pas toujours de la cruiser, puis elle gifle, puis il tombe les marches, mais c'est comme... On va mettre la vidéo sur Facebook, là. C'est overacting, mais tu sais, c'est Simon Pegg avec les cheveux longs, un gros hippie, tu te la quittes, il croise la fille, elle le rejette, il déboule des marches, mais non-stop, là, ça arrête pas. On parlait d'Edgar Wright tantôt, puis il y a beaucoup de gens qui ont connu Edgar Wright avec Shaun of the Dead, puis ça. Puis avant ça, il y a une série télé qui s'appelle Spaced, que moi, je trouve merveilleuse. Jules Coffret, chez nous, était carrément. C'est pas tous les gens qui connaissent, faut que vous écoutiez ça, là. Il y a comme plein de clins d'œil à plein de films, c'est, écoute, C'est de l'humour british à fond. Puis... Toi, Melter, Fantasia, c'est quoi qui s'est passé pour moi, toi là-bas? Moi, mes meilleures expériences, ben pas mes meilleures, mais ceux que je me souviens peut-être le plus, c'est quand j'ai vu justement Postal en première à Fantasia, ouais. Avec justement Huey Bowl qui était là, qui nous a présenté un trailer, parce que lui, il est renommé un peu pour être le producteur de films le plus détesté, réalisateur de films le plus détesté du monde, genre... Que... C'est comme un nom garoché de même. Le là, nazi. C'est peut-être pas ça, là, mais tu sais, c'est un Allemand, un ancien boxeur, puis là, il fait des films, tu sais. Fait que c'est bizarre un peu, mais ses films, moi, j'y trouve drôle. Il a fait House of the Dead. Il y a plein de monde, ils me disent que c'est de la merde, mais moi, là-dedans, il y a une japonaise dans un One Piece en drapeau des États-Unis. Ça fait comme 4 fois que tu le plugs. Elle fait des flips avec des mitraillettes dans le film. Puis dès que j'ai vu ça, j'ai fait comme « Ok, je sais dans quel film que je suis, puis j'adore ça. » Parce que cette bout-là, j'ai fait comme « Wow! » C'est une de mes meilleures scènes de tous les films que j'ai vu au monde. C'était toi qui m'avais donné Uzumaki, hein? Oui, aussi, mais okay. Ça, c'est pas grave. Mais ton nom, Twitter. Quand j'ai vu Postal, puis qu'il présentait le film avant, puis il parlait, puis tout, c'était super cool, il était drôle, j'ai vraiment trippé. Puis je pense que Nick qui était là justement, ouais. On était avec un ami Laurent. Non, j'étais Charlotte à Laurent, toi t'étais là aussi. Oh, ouais. On te connaissait juste pas. Exact. Fait que, c'est pour ça qu'on te parlait pas. Mais aujourd'hui, je t'aurais parlé. Je t'aurais dit salut si on serait plus tard. Hein? Mais c'était bien le fun en tout cas. Sinon, j'étais allé aussi avec ma femme voir deux films. Il y a une fois, c'était Tokyo Gore Police. Oh, c'était malade. Je pense que c'était en avant-présentation. Pas en avant-présentation, en avant-première à Fantasia, c'est avec. J'étais allé le voir avec ma femme. On a trippé sur le film. Si tu veux du film japonais absurde, un peu bâtard qui saigne de tous les bords avec du mutant, c'est... écœurant, mais qu'est-ce qui m'a marqué aussi, que je me souviens plus que les autres, c'est que juste avant, il y avait comme un mini-film de 15 minutes, puis je sais pas si t'étais là, Mike, à cette... Oui. Tu te souviens-tu, c'était quoi le film qui était là? Vaguement. Comme... Je me souviens qu'il y avait eu un cours, mais... Moi, je l'ai trouvé sur Internet, j'ai pas le choix parce que ça a jamais été sorti nulle part en DVD parce que c'est un film de 15 minutes. Ça s'appelle Treevenge. Oui! Ah, oui! Oui! Du réalisateur de Hobo et de Shotgun. Mais ça, c'était juste... avant le Tokyo Gore Police. Puis quand j'ai vu Treevenge, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ça commence, c'est un gars qui va acheter un sapin de Noël. Bon. Mais c'est la revanche des arbres, puis c'est gore. Puis ça dure 15 minutes, puis ça part assez vite. Après 3 minutes, le sapin, il est dans le salon. La famille est comme, yeah, un petit sapin de Noël. Puis il se venge, puis il arrache le bébé en morceaux, puis... C'est 15 minutes de destruction sauvage d'humains par des arbres pour rien, puis c'est très drôle. C'est là, un peu c'est... comme le film de M. Night Shyamalan, avec la forêt qui serait... Ah oh non, c'est là, ça c'était pas bon. Non, non, c'est pas pareil. The Happening. Non. The Happening. Nothing is Happening. Happening. C'est ça, Nothing is Happening. Nothing comme is Happening. J'ai-tu vraiment payé 10$ pour ça? Spoiler alert, calice. Ah, excuse, c'est sorti de quoi? À 4 ans? 3 mois. Je l'ai même pas vu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'était comme... Je m'attendais à voir Tokyo Gore Police, mais quand j'ai le 15 minutes avant que je fais comme « Oh fuck, c'était carrément ça, des sapins de Noël qui se mangent. » T'es comme « Ouais, tu sais, c'est pas des previews de merde de films que tu te fous, là, ouais. Keanu Reeves qui check des boîtes à mal dans le passé. » Tu sais, c'est quelque chose meilleur, tu sais, c'est plus drôle peut-être. Fait que t'es sad prime. Puis l'autre film que j'ai vu aussi avec ma femme, regarde, on a des goûts bizarres des fois, c'est une affaire de cochon cannibale. Que je me souviens plus exactement du nom, mais je pense que c'était juste Pigs. C'était Pig Hunt. Pig Hunt, Pig ouais, Hunt. Pig, ouais. Puis c'était comme. C'était moyen, mais je me souviens c'était que c'était redneck, drôle. Puis c'était redneck, puis tu finis que finalement c'est un black qui fait du voodoo sur des cochons, puis qui. Mais c'était des moments forts pour moi de Fantasia. Ce qui est, y en sûr, a et tellement, là, y en a ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est un festival seulement de films d'horreur. L'année dernière. Non. 13% de la programmation était du cinéma d'horreur. 87% n'était pas de l'horreur. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est du cinéma asiatique. Je pense qu'il y avait 22% de la programmation qui était asiatique. Donc 78%. Des fois, il y a des petits films restant, d'amour nowhere de coréen. Là, je checkais le stock. Je suis comme, waouh, un drame amoureux coréen. Tu sais, c'est comme, ok, il y en a pour tout le monde. On vous conseille d'y aller, ok? Et écoute, juste un peu avant de compléter. Cette 17e édition-là, il y a beaucoup de films qui vont être présentés. Allez chercher le guide. Il y en a plus de 120. Je veux vous en parler de peut-être juste 2-3 bien, bien vite. On a dit, fais un top 5 bien vite. Un top 5 bien vite. Vas-y avec un top 5. Commençons avec le cinéma québécois, parce que j'aime beaucoup défendre le cinéma québécois. Robert Morin est un cinéaste absolument exceptionnel dans le cinéma québécois. Que Dieu bénisse l'Amérique. Quiconque meurt, meurt à douleur. Le Nègre, c'est un cinéaste vraiment particulier. Le cinéma de films de genre lui colle à la peau. 4 soldats distribués par Métropole Film. Je fais un shout-out à Métropole Film, qui est un studio extraordinaire. Sera présenté, je pense, c'est le 5 ou le 6 août, en première mondiale. Si on continue, on en a parlé quelques fois, The World's End. C'est la nouvelle comédie de Edgar Wright, réalisateur de Hot Fuzz, réalisateur de Scott Pilgrim, réalisateur de Shaun of the Dead. Il vient présenter sa première canadienne et il sera ici. Simon Pegg ne le sera pas, mais Nick Frost le sera. C'est le film de fermeture officiel. Ça, c'est le gars qui est avec lui dans Shaun of the Dead. Le gros charnu, le gars qui est drôle puis qui s'en fout, qui il est hot, Nick Frost. Fini en zombie qui joue au Xbox. Le gars qui est quand même, c'est quoi son nom dans Pirate Radio? C'était Docteur quelque chose. Anyways, on continue avec on en a parlé pas mal. Nick en a parlé aussi. Là, Takeshi Miike est un cinéaste extrêmement reconnu. C'est lui qui rôle Fantasia, Shields of Straw, qui a été présenté à Cannes et qui a eu des très, très bonnes critiques. Et il y a même un deuxième film aussi de Takeshi Miike cette année qui, si je ne me trompe pas, s'appelle The Lesson of Evil, qui a de l'air extrêmement intéressant aussi. On pourrait en parler. Polyester en odorama. Polyester est présenté à la Cinémathèque québécoise en odorama. J'ai vu en odorama au cinéma du Parc il y a comme 5-6 ans, puis c'est vraiment une expérience à vivre. Il n'y a pas beaucoup de place dans la Cinémathèque québécoise. Je pense qu'il y en a un petit peu moins de 200, sauf que ça va vraiment valoir la peine. Mais je vais compléter, ok? Je pourrais vous en parler longtemps. Moi, je trippe zombie. Il y en a-tu un que tu as me suggéré? Zombie Hunter va être présenté en couche-tard, les représentations couche-tard de Fantasia, ok, là, il n'y a pas d'enfant, ok, c'est à minuit. Je vous invite à venir voir ça. La salle est vraiment exceptionnelle. Mes enfants sont habitués. Avec le Mexicain badass. Le Mexicain. Danny Trejo. Fait qu'on a peut-être pas Machete Kills, mais on a Zombie Hunter. Cela étant dit, ok, des 120 films qu'il y a de présenter, celui que j'attends le plus, ok, je suis votre invité spécial et je vous conseille à tout le monde d'être là le 26 juillet, si vous avez la chance, à 21h, achetez vos billets très très tôt. Le film s'appelle Big Bad Wolves. C'est le deuxième film de deux cinéastes israéliens, ok, que je suis désolé messieurs, mais que je ne prononcerai pas votre nom parce que je ne veux pas les massacrer, qui sont venus en 2011 nous présenter leur tout premier film qui s'appelait Rabies, qui était un film d'horreur dit comme un slasher, où le slasher n'était pas présent de tout le film. Wow! C'était tellement original. Ils reviennent avec leur deuxième film. Il a été présenté au festival de Tribeca à New York et il a des critiques extraordinaires. Puis Rabies, c'est comme un des premiers films de ce genre justement israélien. C'est-à-dire avant ça, t'envoyais pas des films... Ils ont Israël. Le droit de faire des films, eux. C'était considéré comme le premier film d'horreur israélien. D'horreur, et dans le Q&A, quand ils en ont parlé, paraîtrait-il que ça a été fou, l'accueil qui était là-bas. Mais Big Bad Wolves, ok, si vous aimez, le film est vendu comme étant un drame psychologique, film d'horreur, suspense. Si vous voulez voir un film différent, ok, si vous voulez pas aller voir une comédie de Sandra Bullock ou n'importe quoi, si vous voulez vivre une belle expérience Fantasia, un Q&A, ils vont être présents à nouveau, les deux cinéastes. Ils avaient tellement aimé la ville. Et je vais même avoir la chance d'aller les chercher à l'aéroport. Ces deux personnes-là, ok, ont un talent inouï avec leur caméra. Ils écrivent eux-mêmes leurs films. C'est vraiment un rendez-vous le 26 juillet pour Big Bad Wolves. Retenez ce titre-là. Et je vois que tu me fais signe. Mais la dernière chose, j'ai vu sur le web hier qu'il y a beaucoup de monde qui ont posté la bande-annonce de Curse of Chucky, en se disant tout, oh non, il sort direct en DVD ou en Blu-ray le 8 octobre ou je sais pas trop quoi, le 6 octobre. C'est faux. La première mondiale aura lieu le 2 août. Si vous aimez la petite poupée qui tue, on oublie le côté comique des deux derniers. On revient vraiment, d'après la bande-annonce, on a l'air de revenir au style il a changé du premier. Un peu. Ouais. Petite chirurgie, là, Chucky. Absolument. Alors, on a un nouveau Chucky. Le réalisateur est là. Malheureusement, Brad Dourif, qui prête la voix, n'y sera pas. Mais l'actrice principale est sa fille et elle sera avec nous à Fantasia. Madame. Alors, si vous aimez le cinéma, venez faire un tour au cinéma impérial. On est en plein quartier des spectacles. Si vous aimez le cinéma fucké... Pas nécessairement pas fucké, mais différent. Ouais, différent. Il y a des petites comédies, OK, là, qui sont même pour adolescentes. L'année dernière, j'ai vu Turn Me On, God Damn It, qui était une petite comédie suédoise, qui était une petite fille qui... Suédois? Suédois. Turn Me On, God Damn It, et c'était bien le fun comme petit film. C'est... Ça a l'air le fun avec le... Oubliez ce que vous avez entendu et venez vous faire votre propre opinion. Venez à c'est Fantasia. Ça. En plus, ce qui est génial, c'est au cinéma impérial. L'adresse exacte est le 1432 de Bleury. Je le savais par cœur, je vous le dis. C'est en plein quartier des spectacles. Si vous venez voir un film à 7h, okay, là, vous allez pouvoir sortir après et aller dans la foule du festival juste pour rire. Vous allez pouvoir aller prendre une bière dans, une des nombreuses terrasses qu'il y a alentour. Montréal est une belle ville. Vous le savez tous, j'ai pas besoin de vous la vendre. Mais Montréal, en juillet, pendant Fantasia, est assez exceptionnel. Venez le vivre par vous-même. Au plaisir de vous rencontrer, de vous parler. Ce qui est vraiment important dans le fond, c'est que faut pas avoir peur d'essayer des choses différentes. Fantasia, je pense que ça nous offre justement quelque chose de différent, quelque chose qu'on va avoir la chance de continuer pendant des années à venir, quelque chose qui est là depuis des années précédentes aussi également, c'est quelque chose de rodé. C'est un festival qui est adapté pour nous divertir, pour nous offrir une expérience qui est quand même remarquable. Donc, on va se procurer nos billets sur le réseau admission. Sinon, à ce moment-là, on va sur le site du Festival Fantasia, on prépare notre horaire d'avance avec Google, peu importe, on regarde les films qu'on y va. Puis l'important, c'est surtout apporter votre monde avec vous, inviter des gens. Vous pouvez y aller tout seul aussi, il va y avoir une ambiance dans la salle, mais l'important, c'est d'aller triper à Fantasia. Mike, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci c'est pour l'invitation, André. C'est incroyable. Regarde, très apprécié. On aurait pu parler de ça pendant des 4 heures, 5 heures, 6 heures. Si on commence à détailler chaque film aussi, là, puis on peut. On a parlé de 2-3 films qu'on a vus, mais on a vu comme. Des centaines. Je pense qu'il va être important, là, c'est les gens qui nous écoutent. Partagez vos expériences avec nous. Envoyez-nous ça par email au podcast @leguidecollectif. Allez sur Twitter @geekcollectif. Venez sur notre site web, laissez des commentaires. Google allez sur la plus, page Facebook. Google allez plus. Sur Google Plus. Puis faites un shout out à Yann Fillion qui se défend. Vraiment, on n'a pas de MySpace encore. Allez sur Spotted Montréal. Puis linkez la page Facebook du Geek Collectif. Mais l'important, c'est merci d'être avec nous semaine en semaine, de nous faire confiance pour vous faire découvrir des nouvelles choses. Mon nom, c'est André Paquette. Vous pouvez me suivre sur Twitter au @uzumakiqc. Allez nous voir sur www.geekcollectif.com, la page Facebook Geek Collectif, le podcast. Sinon, @geekcollectif, Milter, les gens te suivent comment? Zombie Milter, Twitter, Facebook, ben c'est mon nom, là, Jonathan Milter, Google+, même affaire, MySpace, même affaire, puis partout. Excellent, Nick? Moi, sur Twitter, c'est Johnny_tabarnak. Excellent. Facebook, ben c'est mon nom, Nicolas Dénommé, puis je suis pas mal actif là. Parfait. Shout out à Mélanie qui est pas avec nous autres ce soir. @lagrandegeek avec 2-3 au lieu de G33K, effectivement. Rick, qu'est-ce qui se passe avec toi, mon Montréalien? Comment les gens te suivent? Ben, tu l'as bien dit, Montréalien un peu partout, là, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur N4G, que ce soit sur GameFAQs. N4G, c'est GameFAQs. Mike, hey, si les gens veulent lire tes articles, je pense que tu es déjà dans le guide de Fantasia. Effectivement. Tu es actif sur les réseaux sociaux. Comment les gens font pour interagir avec toi? Écoute, je suis sur Facebook, je suis sur les Geeks Collectifs, je suis sur les autres, sur ma page avec mon nom aussi, sur Twitter, @MichelGarceau en un mot. Écoutez, venez nous parler. On aime le cinéma, on aime tout ce qui nous regroupe ensemble. C'est le but du Geek Collectif. Et merci encore à vous quatre de m'avoir invité. Merci à toi. Merci à toi d'être avec nous. Donc, on se revoit tout le monde dans 2 semaines ou sinon la semaine prochaine pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec Milter puis la manette dorée de Never Dead. Donc, merci à vous et passez une belle et heureuse semaine. Profitez bien du festival.